You know I want you to come. Make those ones. copain. Bonsoir chers auditeurs de Radio Arc-en-Ciel, c'est l'émission Mavrika tous les vendredis à partir de 19h. On est ensemble pour 3 heures de musique et vous savez, dans l'émission Mavrika, on aime bien écouter de la bonne musique et on aime aussi recevoir des gens. Dans l'émission Mavrika, on reçoit régulièrement des personnes. D'ailleurs, on a commencé cette émission avec Stéphane Acoustique qui était chez nous il y a quelques semaines. Le morceau qu'on a écouté s'appelle Les Grenouilles et vous pouvez retrouver les photos, hein, les photos de chaque émission. À chaque fois qu'on a des invités, on prend des belles photos, on les partage sur le Facebook de l'émission Mavrika. Je vous invite aussi à y aller et déposer un petit pouce, hein, parce que au fur et à mesure je vais mettre le programme de tous les morceaux que nous allons diffuser dans cette émission. Alors Stéphane Acoustique avec Les Grenouilles, on a aussi écouté Angéline Anonier qui était venue il n'y a pas très longtemps aussi dans nos studios. Le morceau qu'on a écouté s'appelle Shanghai. Juste après on a écouté aussi Dorenlo, c'était les invités de la semaine dernière, donc si vous pouvez aller sur le Facebook justement, vous allez voir l'album avec nos petites bouilles. On était plusieurs, il y avait quatre personnes ici dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Il y avait Pierre Dorenlo, il y avait David McLean et il y avait Bertrand Fro, voilà, et puis il y avait moi aussi, hein, donc vous pouvez aussi voir certaines photos où je suis présent. Après on a écouté The Gig avec Gotta Live This CD. Alors pourquoi je vous passe ce morceau-là? Parce que ce groupe-là est venu il y a quelque temps dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Super découverte, hein. Franchement, moi j'adore ce qu'ils font. Et ce soir, ils sont en concert. Ils sont en concert au tremplin de Giorgio avec un autre groupe qui s'appelle les Chili Dogs, qu'on a écouté juste après d'ailleurs avec Something Must Change. Juste après, on a écouté les Comintern Sect, voilà, je vais réussir à le dire, avec Que restera-t-il de toi. Et petite information que j'ai oublié tout à l'heure, c'est que Stéphane Acoustique, actuellement, là, il est en train de faire un concert et il est donc au Bistrot Régent à Tours. Et le concert a lieu de 19h à 21h. J'espère que vous allez peut-être y aller, hein. Il n'est pas encore trop tard. Et donc, si vous y êtes, bah, vous avez pas pu écouter l'émission et vous la réécouterez dans le podcast que notre ami Florent met en ligne régulièrement. Je vous donnerai les liens et je les mettrai sur le Facebook de l'émission. En tout cas, c'est le plus simple, hein. C'est pour communiquer. C'est comme ça qu'on fait sur Radio Arc-en-Ciel. Donc aujourd'hui, bah, c'est l'édition numéro 555. Voilà, on est arrivé. J'aime bien les chiffres comme ça, c'est facile déjà, c'est facile à retenir. Donc 555, la prochaine, ça sera 666, hein, dans quelques temps quand même. Hein. Et nous avons des artistes qui sont déjà arrivés. Hein. Ils sont arrivés de l'Essonne, hein, ils ont fait un petit voyage. Ils sont en train de se rafraîchir un petit peu et puis après, on va commencer l'émission. Alors ce groupe-là va faire partie du prochain Mavrika Live qui aura lieu donc la semaine prochaine. Samedi, voilà, 10 juin. Ils n'étaient jamais venus dans l'émission Mavrika. Et donc, c'est l'occasion de les recevoir une semaine avant cet événement. Il s'agit du groupe Custom. Vous êtes sur Radio Arc-en-Ciel, c'est l'émission Mavrika. doctor. You don't need no pill. You don't need no doctor. You don't need no pill. And take my advice, it surely kill your heels. Head down to New Orleans, the prettiest place you'll ever seen. Head down to the riverbed, that's where the music never ends. Up in your heels, don't you feel good? Get yourself washed up in blues. We'll be right back. minable, la pourrie ta gueule. Va voir sur Tinder, pas qu'il y a ta sœur. Inscris-toi sur Mythic, accepte tous les kicks. Wallow. C'est la petite musique qui nous dit qu'on va aller dans les studios de Radio Arc-en-Ciel, puisqu'on est à Fleury-les-Aubrais, à 5 minutes du centre d'Orléans, hein, tout simplement. C'est Radio Arc-en-Ciel, donc 96.2 MHz. Et vous pouvez aussi nous écouter partout dans le monde sur le www.radio-arc-en-ciel.fr ou .com. L'un ou l'autre, ça fonctionne, on a déjà essayé. Donc vous pouvez nous écouter, et on est ensemble jusqu'à 22h dans l'émission Mavrika. Aujourd'hui, c'est l'édition numéro 555. Et nous recevons un groupe. Alors, j'ai déjà présenté les groupes qu'on a diffusés. Donc, tout à l'heure, on a écouté les Comintern Sect avec Restera-t-il de toi. Glass Zone, qui était venu il y a quelques semaines dans nos studios avec Fleeting Madness. Les Shaking Mets, qui ont participé déjà à Maverick Live il y a quelques temps et qui sont déjà venus à plusieurs reprises dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Le morceau qu'on a écouté, c'est une reprise qui s'appelle Bullfrog Blues. On a écouté aussi les Red Daff, hein, nos amis les Red Daff, qui sont déjà venus à plusieurs reprises et qui, eux aussi, ont déjà participé à Maverick Live avec un morceau qui s'appelle Faune. Et à l'instant, on vient d'écouter Le Paradis sur Terre. Ça, c'est ce qu'on voudrait, hein, mais bon, on n'a pas encore réussi à l'obtenir après plusieurs milliers d'années d'histoire. Voilà, c'était La Jarrie. Et nous allons dans les studios de Radio Arc-en-Ciel avec nos invités. Ils sont là. Donc, ce que je vais faire, je vais mettre les micros. Il y en a cinq, hein, cinq à brancher. Et puis, on va les retrouver tout de suite. Et on va tous avoir à la fin de cette émission sur le groupe Custom. Bonsoir, Custom. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir. Ouais, salut, salut. Ouais. Ah bah, ça fait plaisir de vous voir parce que c'est vrai que c'est un groupe qu'on diffuse déjà depuis pas mal de temps dans l'émission Maverica. Et puis, c'est vrai qu'on s'était jamais vu. On se connaît bien et... Eh bien, maintenant, on s'entend. Voilà. On se voit, on s'entend. Mais les gens ne peuvent peut-être pas voir, mais on est en travers, on est en train de communiquer avec Ebino derrière une glace. Ouais, on explique tout, même les coulisses de la radio, parce que souvent, on ne sait pas ce qui se passe. Nous, à la radio, on est ouvert à tout, hein. C'est-à-dire que là, vraiment, vous êtes d'un côté, vous êtes tous les cinq, hein, le groupe Custom, et moi, je suis à travers une vitre, et puis je m'occupe de tout. Donc, je suis avec l'ordinateur, je suis avec plusieurs ordinateurs. C'est vrai que maintenant, on est entouré. Et puis, on a aussi notre console. Et donc, ce qui nous relie, ce sont les micros avec lesquels on communique ce soir. Alors, le groupe Custom, qui va faire partie du prochain Maverick Live, donc qui aura lieu le samedi 10 juin, donc le pas demain, mais le suivant. Ouais, la semaine prochaine, c'est ça. Ah bon, c'est pas demain ? Ah bon, quand ils étaient demain ? Non, c'est la semaine prochaine. C'est bien le 10, messieurs, dames. Hein, c'est bien le 10. Dire. Très bien. Donc, Viendez. Donc, et puis le truc, c'est que ce Maverick Live numéro 12, il avait été programmé pour le 20 avril 2022. Non, 2022, oui. Et c'est ça, non. Non, 2020. Juste avant la période du Covid. Ouais. Voilà. Et donc, il a dû être annulé parce que c'est nous, on avait tout préparé, on avait les affiches, on l'avait déjà fait, on avait commencé à tout faire. Et puis, le problème, c'est qu'il y a eu le Covid qui est arrivé, et puis il a fallu tout annuler. On n'est pas les seuls, hein. Tous les concerts ont été annulés. Ouais, malheureusement. Plein de choses ont été annulées. Et donc, nous, on ne s'est pas laissé abattre, parce que 3 ans après, on relance ça. Donc, on a contacté les mêmes personnes, hein, pour le Maverick Live. On peut rappeler les gens qui seront là. Il y aura, donc, Melody Road, il y aura Custom, et il y aura le groupe Yeti. Et en interscène, il y aura Alex Lebaille. Voilà, donc un bon choix. Je pense qu'il y a plein de bons artistes. Et justement, nous, on a recontacté les mêmes qu'on avait prévus pour 2020. Et donc, vous nous avez dit, OK, les Yeti, c'est pareil. Et le groupe Melody Road aussi. Il y a juste le groupe Doug qui n'a pas pu venir. Donc, notre ami Alex Lebaille s'est proposé de venir. Et on l'accueillera pour les interscènes à côté du bar. Donc, lui jouera dans une petite scène à côté. Parfait. À côté du bar, carrément. oui. Le truc aussi, c'est que justement, il y a la grande scène. Donc, entre chaque artiste, il faut aussi réaménager le plateau et tout ça. Donc, il y a une petite coupure. Ça permet aux gens d'aller boire un petit coup, se rafraîchir, etc. Oui, et en même temps, ils écoutent de la bonne musique sur une autre scène. Quoi. Voilà, c'est ça le but du jeu. Et en plus, samedi prochain, il va faire très beau. Ouais, moi donc, je crois, apparemment, là c'est bien parti en tout cas. C'est bien annoncé. Bon, en plus, c'est dans une scène, donc dans une salle. Donc si jamais il pleut, c'est pas un souci, parce que de toute façon, on est à l'abri. Mais il fera beau. Très bien. On va tout savoir sur le groupe Custom. Alors, le groupe Custom, il existe depuis combien de temps ? Custom, il existe déjà depuis 10 ans. Depuis 2012. Ah, Eric. Officiellement depuis 2011, mais officiellement depuis 2012. Voilà. Très bien, de 2012. Donc, ça fait un petit moment quand même. Hein. C'est un groupe qui dure longtemps, parce que c'est vrai que si on regarde, même les Beatles, ils n'ont pas fait aussi longtemps. ouais, c'est vrai. Mais tout est une question de talent. Mais c'est vrai. Depuis 2012, effectivement. Oui. Ça a commencé comment? Ça a commencé, moi j'avais lancé une annonce sur un site. Un site pour adultes? De musique. adulte musicien consentant. Et puis j'étais tout seul dans mon coin, dans ma petite maison, j'avais ma petite batterie au sous-sol, et puis j'en avais marre de tapoter tout seul. Et j'ai fait cette petite annonce, et puis je l'ai balancée sur le site. Et que, une dizaine de jours après, bing, Mr. Eric est arrivé. Ouais. Salut, je suis gratteux, patati patata. Est arrivé ensuite Pat. Patrice à la basse. Ouais, bonjour Patrice, comment salut, ça va Patrice? Ça va, ouais. Pat à la basse. Il vient de se réveiller, Patrice. Ah, et toi aussi d'ailleurs, non? Tu viens de te réveiller toi aussi, non? Non. Mais tu transpires. Hein. J'ai chaud. Il fait chaud dans ton studio. Ouais, c'est vrai qu'il fait très chaud. Hein. T'étonnes pas si on va tous se retrouver à poil. D'accord. Tous à poil. Voilà. C'est bon, vraiment. Donc on a dû. On est à la radio, on fait ce qu'on veut. Après, on prend pas de photos, hein, c'est non, tout. Non, hein. Après, on a dû jouer, je sais pas, 7-8 mois sans chanteur. Pourquoi faire? C'est pour t'essuyer fond, ça. Parce que tu et notre ami Olivier est arrivé. Attends, laisse-moi, je vais t'essuyer. Excuse-moi, Albino, dites l'instant. Je vais juste. Voilà, c'est notre Fabien Barthessenou. Voilà, c'est d'accord. Donc oui, au bout de 7-8 mois, notre petit Olivier est arrivé. Et puis là, ça a commencé. Ça a commencé à jouer. Voilà, on a commencé à jouer. Ensuite est arrivé Nicolas. Non, Nicolas était là au départ. Ouais, Nicolas était là au départ. Et ensuite est arrivé Mister Olivier, le chanteur harmoniciste du groupe. Voilà, on a chanté, on l'a auditionné, on a regardé si tout se passait bien, on s'est dit on prend ce qu'on a ou pas. Et puis en fait, voilà, il s'est avéré que oui. Olivier. Ah mais j'ai rien dit moi. Non, mais si t'as envie de dire quelque chose, n'hésite pas. Hein, mais j'ai pas pour habitude de me priver, donc. Voilà, ne te prive pas, allons-y. Voilà. Très bien, voilà, donc on a présenté tout le monde, sauf le premier, hein, puisque celui qui a pris la parole, c'est Fab. Qui est le batteur, donc. Bonjour, voilà. Donc, Fab, Eric, Patrice, Olivier, Nicolas. Non, alors. Il y a une erreur, alors. Oui, c'est pas noté au fur et à mesure. Il y a eu un objet rajouté. Oui, il y a eu un changement. Il y a eu un changement. J'ai appris hier. C'est la personne de ta droite, le petit barbu là-bas. D'accord. Ok. Qui s'appelle Stéphane et qui a intégré le groupe il y a. Ça fait 2 ans maintenant, non? Déjà. Deux ans, non. Ça fait deux ans. Bonsoir. Voilà, on entend sa voix. Alors justement, moi, je l'ai appris aujourd'hui même. Hein. Parce que effectivement. Alors, on va expliquer les choses. C'est que sur le Facebook de l'émission Marika, le jour J, on met une photo. C'est la photo qui est sur le Facebook de Radio Arc-en-Ciel, voilà, qui est aussi sur le site de Radio Arc-en-Ciel et que je partage aussi. Et c'est notre ami Georges qui est au Portugal, notre webmaster, qui nous fait ces photos. À toi, Georges. Et justement, lui, il a fouillé dans votre Facebook, il a trouvé une belle photo, il a fait toute la préparation. C'est bien émerdé. Et puis c'était pas la bonne équipe. Voilà, il y avait une personne qui n'était pas là. Donc on lui a dit, voilà, on s'est excusé, on dit, ah voilà, j'étais pas au courant. Il dit, ah bon, bah, donc on lui a envoyé une nouvelle photo, il nous a refait à nouveau. Et c'est celle qu'on peut voir sur le Facebook de l'émission Marika. Absolument. Merci à toi, Georges. Obrigado. Voilà, c'est bien de dire aussi, hein, tous les gens qui participent, parce que, effectivement, lui, il s'occupe du site web. Donc, vous pouvez nous écouter sur ce site-là. Et puis, il y a aussi pas mal de rubriques. Et c'est notre ami Georges, donc, qui s'en occupe. Voilà. Donc le groupe Custom, vous êtes 5, vous faites de la musique depuis 2012. Mm-hmm. Alors depuis 2012, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez fait des enregistrements, vous avez fait beaucoup de scènes, comment alors, ça se passe? On a fait quelques scènes, non? On a fait un enregistrement, on a fait pas mal de scènes, absolument. Olivier, je te laisse la parole si tu veux bien. Non. Ça c'est fait. Allez, ciao, au revoir. On ne me passe pas la parole, je la prends, moi, monsieur. On prend la parole, alors, dans ces cas-là. Attention, Olivier prend la parole, les gars. Non, bonsoir à tous, déjà. Donc, Olivier, ils l'ont rappelé, c'est depuis 2012 maintenant. Donc, oui, beaucoup de scènes locales, la fête de l'Huma, et tout un tas d'autres endroits, évidemment. C'est du classique, je dirais, des enregistrements, effectivement. Notre voilà, et mise en boîte un peu de nos morceaux, vidéo, enfin voilà, tout ce qui est quelque chose de classique aujourd'hui dans une production de groupe, voilà, et puis effectivement, mais bon, je pense qu'il faut qu'on explique un petit peu le changement, parce que c'est vrai que il y avait eu normalement l'initiative en 2020 avec le concert Mavrica, mais du coup le Covid est passé par là, et comme tout à chacun, nous avons été nous aussi touchés par celui-ci, malheureusement, hein, et puis les répètes se sont arrêtées, et ainsi de suite, et du coup, alors je le dis un peu comme ça, mais je vais rattraper tout de suite derrière, on a perdu Nicolas, alors je ne dis pas que nous l'avons perdu du Covid, non, simplement, voilà, oui, rassuré, non, mais voilà. C'est juste une petite pointe, voilà, et puis bah du coup, Stéphane a intégré, voilà, bonsoir, et ça fait deux fois que tu le fais déjà, je pense qu'il faut que tu restes à ta place, ne vous inquiétez pas, parce que ça lui arrive de temps en temps, et donc voilà, il a fallu rebosser tout le répertoire, retravailler tout cela, puisque bah comme évidemment vous avez pu l'entendre, ce sont des compos et c'est plus difficile des fois de tout retravailler. Il faut se réapproprier les choses pour lui en tous les cas, et voilà le délai, et voilà qu'aujourd'hui et ben ça va nous permettre, bon, on a joué pour la fête de la musique l'an dernier, ainsi de suite, plus une autre date en Essonne, mais là, ça va, voilà, on va pouvoir redémarrer tout à fait, et c'est un beau challenge pour nous que ce concert avec vous justement. Et puis, du coup, eh ben, nous sommes ravis de pouvoir être présents le 10 avec vous, très sympathique. Et puis, parce que on se rappelle aussi comment avait été sélectionné Custom, puisque c'était à partir de la vidéo de Try. Un morceau qu'on écoutera sûrement tout à l'heure d'ailleurs. Oui, on va écouter le maximum de musique du groupe Custom, hein, parce que là il faut vraiment tout diffuser. Hein. Oui, oui, bah peut-être pas tout, parce que tout ce qu'on a. Faut en laisser, voilà. Faudrait peut-être en laisser un peu pour samedi prochain. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Oui, ouais, on va pas tout diffuser. Enfin, on a quand même plus d'une vingtaine de morceaux, mais là, ce qu'on va passer ce soir, il n'y aura peut-être pas autant non plus. Je ne pense pas. Mais bon, voilà. En tous les cas, ouais, c'est chouette. Le 10, c'est vrai que c'est sympa. Et puis, ça va permettre, voilà, de se retrouver et puis de redynamiser. Et puis surtout, c'est bien que vous continuiez, que vous soyez accrochés, hein, parce que beaucoup, suite au Covid, ont lâché un peu l'affaire quand même. Ah ouais, moi j'ai appris dernièrement des mauvaises nouvelles. Je vais pas encore les annoncer parce que c'est pas encore officiel, mais déjà de gros événements qui avaient lieu dans la région, ils avaient lieu le même jour en plus. Et apparemment, ni l'un ni l'autre ne va se faire. Alors que bon, donc après c'est pareil, c'est pas évident. C'est une question aussi de financement, de choses comme ça. Et des fois, quand il y a des grosses associations, des fois ça va très vite à clasher. Nous, c'est vrai que nous on a une petite association, on a donc on arrive toujours à s'en sortir un petit peu, à rebondir. Ce qu'on voudrait aussi, c'est s'agrandir un petit peu et puis avoir de plus en plus de monde. Donc de toute façon, pour avoir du monde, il faut avoir des spectateurs, il faut avoir des adhérents. Et c'est pour ça qu'il faut venir le 10 juin. Si vous êtes adhérent, c'est gratuit. Si vous n'êtes pas adhérent, vous pouvez le devenir. Et l'entrée à 5€, c'est une participation aux frais, parce que nous, forcément, on est obligé de louer la sono, on est obligé de louer plein de choses, de payer plein de choses. Ça reste un rite. Et après, 5€, je surtout pense pour voir 4 groupes. Ouais, déjà Custom. Custom, là, c'est quand même quelque chose. Donc, franchement, on est vraiment content de vous avoir. Et vous aviez été sélectionné. C'est vrai que finalement, vous êtes proposé. Pour venir dans le. Au début, on a demandé combien de groupes voulaient venir. Et si je me souviens bien, il y en avait une quarantaine qui s'étaient proposés. Donc après, on a fait voter le public. Et, voilà. Et c'est le public qui a sélectionné Custom, Melody Road et Yeti. Hein. Ouais, donc, merci le public. Voilà, c'est quand même formidable. Ouais. Merci à tous. Mais si, c'est bien. Et, voilà. Tant mieux d'ailleurs, et puis voilà, mais peut-être que on peut peut-être écouter un petit morceau de Custom maintenant, après tout. Un petit try, si c'est possible. J'ai pas calé celui-là, mais on va écouter Bad Days. Mauvais jour. Tout à l'heure j'ai hésité parce que Bad Day, je me dis, il y a un S ou il n'y a pas de S? Mauvais jours, souvent ils arrivent. C'est souvent les mauvais jours, comme on dit. Les mauvais jours, voilà. Ça serait une fois de temps en temps, mais non, à chaque fois il y en a. Ils sont assez nombreux. J'ai l'impression qu'on ne va pas dans le bon sens beaucoup de choses. Il y a du changement, comme tout à l'heure disaient les Chili Dogs, something must change, quelque chose doit changer. Effectivement, il y a des choses qui changent, mais pas dans le bon sens, c'est un petit peu dommage. On en parle maintenant? On écoute Bad Days et puis on en parle. De toute façon, on est ensemble jusqu'à 22h, on a le temps de dire plein de choses tout découvrir sur le groupe Custom. Allez, go! time. By day, it's running on my veins. Well, it's running on my veins. By day, every time I turn on my radio. By day, every time I read a newspaper. By day, everywhere I look. By day, that world gone crazy. D'écouter le premier morceau des Customs qui sont nos invités ce soir pour cette émission numéro 555. Vous avez de la chance, en plus 555, ça tombait pile poil. Alors j'avais commencé à calculer depuis un petit moment, je me suis dit qui c'est qui participera à cette émission, puisque ça fait 555 émissions que nous faisons sur Radio Arc-en-Ciel dans l'émission Mavrica. La prochaine fois, il y en aura pour la 666. Ouais. Il y en a déjà plusieurs qui me l'ont réservé, mais bon, après, d'ici là, on va faire un tir groupé. Voilà. Voilà, donc 666, bon, ça fait encore, on a encore un peu le temps, on a au moins 2 ans avant de la faire, mais bon, ça va arriver, hein. On pensait pas en faire 500 déjà, donc là, effectivement, et en plus, il y a aussi une chose, c'est que aujourd'hui. C'est le 2 juin 2023 et on a commencé l'émission, c'était en 2010, c'était le 3 juin. Donc demain, ce sera l'anniversaire, les 13 ans de l'émission Mavrika. C'est tombe le 13. Donc voilà, donc un bon paquet d'émissions que nous avons fait et nous avons reçu beaucoup de bons artistes. Les meilleurs artistes viennent dans l'émission Mavrika, hein, ça je vous le dis. Donc maintenant, vous The place to be. C'est ça. Donc ce soir, eh ben, vous faites partie de la Mavrika's Family. Voilà. Donc le groupe Custom. Alors le groupe Custom, c'est moi je dis Custom, je dis à l'anglaise, mais c'est vrai que j'ai entendu que vous disiez Custom à la française. Bon, oui, c'est par fainéantise. Oui, après en français ou en anglais. Donc non, ça passe bien Custom. Ouais, Custom, ouais, voilà. Comme vous voulez, hein. Non, pardon. Il y a pas vraiment d'importance. Ouais, l'important, c'est de faire de la bonne musique. Et voilà. Comment vous avez trouvé justement ce nom Custom? Alors c'est pas moi qui l'ai. Enfin, c'est Thierry. Alors c'est Eric. Voilà. C'est plus comment, ça lui est si dit. Moi je m'en rappelle très bien. C'est très bête, simple. Hein, très simple. Souvent d'ailleurs. Quand, voilà. Les meilleures idées. Ben voilà. Oui. C'est parce que les premières répètes qu'on faisait, c'était dans un studio associatif. Et pour réserver les plages horaires, il nous fallait un nom et on n'en avait pas. Et comme ma guitare, c'est une Les Paul Custom, je me suis dit, on va prendre Custom. Ah, et voilà. Custom. C'est pas plus bête que ça. Et en plus, Custom, c'est, moi je pensais plutôt aux customisations des voitures, mais c'est vrai que les guitares aussi. Hein. Bon, beaucoup d'objets peuvent être customisés. Absolument. Tu aurais une Telecaster. Ben voilà. Non mais j'ai du goût, moi, monsieur. Ah oui. Je m'excuse. Ah, on commence, d'accord. Oui. C'est parti. Très bien. Donc, on a écouté un morceau qui s'appelle Bad Days. On avait dit qu'on expliquerait peut-être ce que ça veut dire, ce que vous avez mis dans ce titre-là. Alors, Mauvais jour. Mauvais jour, c'est toujours. Enfin, vu que c'est un peu moi qui suis chargé un petit peu. D'essayer en tous les cas de mettre un petit peu de mélodie, de texte là-dessus, sur les morceaux, quand on les fait ensemble, parce que tous les morceaux sont faits et sont composés avec l'ensemble du groupe, quoi. D'accord, c'est pas une personne qui amène tout, c'est tous ensemble. Souvent c'est Eric qui amène un riff. D'accord. Et après on construit autour de cela. Bon, chacun c'est vrai, après c'est la basse souvent. Alors, la section rythmique, on va dire. Alors, on n'en parle pas tout de suite. Non, il faut absolument. On peut en parler après. Mais je pense pas qu'on aura le temps, mais ça demanderait beaucoup trop de discussions, tout ça. On a tellement de choses à dire. C'est ça. Non, mais c'est vrai que les compos, elles se passent comme ça, et ça se passe aussi un peu. Donc, le texte vient aussi, ou en tous les cas, la mélodie et l'inspiration viennent aussi avec le morceau en lui-même, et puis ce qui nous passe dans la tête et ce qui me passe dans la tête. Et puis c'est toujours teinté de toute façon globalement de ce qu'on vit autour de nous, de ce qui se passe, et voilà. Et Bad Days, effectivement, c'est malheureusement un petit peu un ressenti de ces choses qu'on essaye en tous les cas et que beaucoup portent et qui maltraitent les esprits et les gens, quoi. Voilà. D'accord. Très bien, une bonne explication. Donc, évidemment. Évidemment. Donc là, on a appris aussi comment vous travaillez. Donc, c'est pas une personne qui a une idée. Finalement, c'est vous tous ensemble qui construisez. C'est d'abord les musiques ou les paroles viennent ensemble. Alors, c'est d'abord la musique en règle générale, ouais. qui prend un petit peu le point de départ et vient s'ajouter derrière les paroles. Olivier, chacun met un petit peu du sien au niveau des paroles. Enfin, Olivier écrit quand même, mais aussi, beaucoup, d'autres. Mais moi, ça m'est arrivé aussi d'écrire un morceau. Mais en règle générale, tout le monde met un petit peu du sien, quoi, que ce soit voilà. Au niveau des paroles. Que ce soit et puis en général, on teste, et si sur au bout de deux répètes, ça marche pas, bah, on lâche l'affaire. Voilà. D'accord. Vous lâchez l'affaire dans l'immédiat, mais peut-être vous allez mettre ça dans un tiroir, elle ressortir au bout de quelques années. Non, pas forcément. Si ça peut marcher quasiment tout de suite. Ouais, on passe à autre chose. On passe à autre chose. Vous êtes comme ça, vous faites un truc, non, c'est pas notre truc. Hop, on passe à un autre, voilà. Et puis, voilà, voilà. Très bien. Bah, c'est notre façon de travailler. C'est une manière de travailler. Vous répétez tous les combien? Une fois par semaine. Donc, on joue 3 heures. Ouais, c'est ça. Ah oui, rigoureux. On répète de 3 heures. 3 heures, quand même, c'est une bonne. C'est la vieille école, ça, c'est la vieille école. Et puis le travail à côté aussi, ouais. Parce que les répètes suffisent jamais de toute façon. Un travail sérieux, quoi. Ça, c'est vrai, bon. Que les répètes, c'est pour être tous ensemble, pour. Mais après, il y a tout le travail qu'on fait à la maison. Hein. Vous arrivez le soir et puis hop, vous travaillez quelques temps, chacun votre instrument. Et les répètes, ça se passe comment? C'est dans un studio, dans une. Oui, c'est dans un studio qui se trouve à côté, qui se trouve dans l'Essonne, à Saint-Germain-des-Bois, qui s'appelle le studio Street Machine. D'accord. André Olivier, si tu nous entends. Voilà, André. Ouais, André Olivier. On vous embrasse. On vous embrasse. Et donc, c'est un studio qui comporte 4 salles. 5. 5 salles. Et, non, studio. Il fait studio de répétition et studio d'enregistrement aussi. Donc, voilà. Ouais, non, c'est vraiment un. Ah ouais, donc c'est, vous êtes bien. On est bien outillé. On est bien outillé. Bien installé. Ouais, on est bien installé. Non, l'ambiance est super bonne. Et les propriétaires, on les connaît. Le propriétaire, en vrai, on les connaît déjà depuis. Depuis un petit bail maintenant. Ouais. Hein. Ouais, Street Machine fait partie un petit peu des studios de l'Essonne, en tous les cas, un petit peu, qu'ont vu tourner beaucoup de groupes. Et pour ceux qui sont vraiment très vieux, comme moi, c'est même à côté, et c'est pour ceux qui connaissaient avant un magasin de musique qui s'appelait, chez... K-Musique. C'était le propriétaire était le guitariste à Goldman. Ouais, d'accord. Ancien guitariste à Goldman. Encore, quand vous avez commencé à dire K, je disais, ça serait pas le magasin de Canmay. Canmay qui est venu ici une fois, j'avais pris des photos ensemble. Finalement, c'était parce qu'il a fait, il continue à jouer. Oui. C'est vrai qu'il continue à jouer tout ça. Oui. Et j'ai eu la chance de le rencontrer. Je l'avais invité aussi pour une émission, donc j'ai des contacts avec lui. Et lui, il avait commencé avec le groupe Taifong. C'est ça. Oui. Voilà. Absolument. Avec Jean-Jacques Goldman. Et oui. Très bien. Connais pas. Connais pas. Non. Non, mais c'est vrai que Michael Jones, tu connais ou pas? Michael Jones aussi, oui, j'ai eu l'occasion de le voir. C'est un pilote? Ah oui, voilà. Michael Jones, voilà. Elle est venue ici? Non. Michael Jones, non, je l'ai vu en concert. Et une fois, j'ai un artiste qui est venu assez souvent ici dans les studios Radio Arc-en-Ciel, c'est Eric Torel, et qui connaissait lui personnellement Michael Jones. D'ailleurs, Alex Lebas, il le connaît aussi, il a pris des photos avec lui. Mais justement, et un jour, Eric, il m'a fait une surprise, pendant l'émission, il m'a donné une petite enveloppe que j'ai ouverte, et dedans, il y avait une photo de Michael Jones, avec un petit mot, il dit pour l'émission Mavrica, Michael Jones. Wow. Donc, j'avais gardé ça, c'était un très bon souvenir, et puis après, j'ai eu l'occasion de le rencontrer quelques temps après. Génial. Donc voilà, un grand guitariste. Ouais, bien sûr. Donc, qui était venu à, si je ne me trompe pas, c'était au Rock in Reproche il y a quelques années. Voilà. Très bien. Donc on parle de plein d'artistes différents. Le groupe Custom, c'est un groupe de concert ou c'est un groupe de live ou un groupe d'enregistrement? De live. C'est le plus important. Sauf point. Et là, on dit lequel? Lequel? Ah non, c'est ça qui est drôle. Suivez mon regard, non? Non, je pense que les deux sont importants, mais c'est vrai que le live, quand il y a le public qui est là, qui est réactif, vous jouez un morceau, vous voyez s'ils applaudissent, s'ils écoutent bien, s'ils reprennent les morceaux avec vous. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Oui. Donc le contact direct avec le public. Bah, la musique, c'est un échange. Hein. Enfin, on va pas philosopher ou sortir des phrases bateau, mais le but, c'est quand même de jouer avec des gens, de partager le plaisir, de partager avec eux ce moment-là, et d'amener, justement, y compris même dans un morceau comme Bad Days, une notion d'espoir aussi ensemble, quoi. Donc, parce que rien n'est perdu. Il suffit de le décider, tout cela. Mais bon, et je pense que c'est vraiment ça aussi, quoi. La scène, c'est l'aboutissement aussi d'un travail, hein, pour tout groupe, je pense, en tous les cas où j'en connais pas. Ou à part Klaus Schulz, peut-être, qui s'éclatait dans son studio, mais sinon, je pense que, et c'est vrai que, c'est important, parce que c'est là que ça se passe, quoi. C'est là qu'est le cœur, c'est avec le public, tu le disais tout à l'heure, hein, mais c'est l'échange, voilà. Ouais, c'est voilà. C'est ça qui fonctionne, quoi. C'est partager quelque chose, c'est le partage, quoi. C'est le passer des bons moments ensemble, et puis la musique, c'est un bon prétexte pour justement rassembler les gens. C'est le but du jeu. C'est toujours sympa quand tu fais des compos et que les gens les applaudissent, quoi. Tu es toujours là, waouh! Wow. Ah ouais. C'est cool. Ouais, c'est super. Et surtout quand c'est des compositions, parce que quand c'est des morceaux que vous réinterprétez, les gens les connaissent plus ou moins, mais quand c'est des compositions et que les gens vous suivent et tout ça, là je trouve que c'est encore plus. C'est très jouissif, c'est très plaisant. C'est reconnaissant. Très bien. Tout à l'heure, je rigolais, mais bon, je vais quand même dire ces petites anecdotes. Je citerai pas le nom du groupe, mais depuis que je reçois des groupes dans l'émission Mavrica, on a reçu un bon paquet. Hein. Une fois, il y avait un groupe qui justement ne faisait que du studio. Et alors, je dis, mais vous faites jamais de concert? Non, non. Mais vos morceaux, vous les... Non, on fait que du studio, on enregistre. Ils n'ont jamais joué sur scène. Ils n'ont jamais joué sur scène. Donc voilà, moi j'étais un petit peu surpris, parce que je me suis dit, ouais, mais quand même, bon, du studio, c'est bien, mais une fois qu'il y a quelque chose de fait, bah, vous n'avez pas envie de le partager. Non, on partage sur les réseaux sociaux, sur les machins, mais non. Bon, bah, c'est ça, les artistes de maintenant. Ils passent à côté de quelque chose, je pense. Il n'y a pas d'échange, avec les systèmes informatiques, etc. C'est bien dommage. Moi, je trouve que c'est vraiment bien, bien dommage, parce que avoir un échange avec le public, c'est vrai que c'est jouissif, quoi. Ah, il y a une porte qui s'est ouverte. Ouais, on entend un bruit, je crois que c'est une chaise qui doit... C'est une chaise, alors. Ouais, une chaise qui doit grincer. C'est pas la mienne. Parce que déjà, la semaine dernière, ça nous avait fait la même chose avec Lorraine Lowe. Non, mais après... Après, je crois que chacun choisit sa voix, quoi. Après, il n'y a pas de... Et nous, on a choisi Olivier. Il n'y a pas d'appréciation là-dedans. Non, enfin, je vous rassure quand même, 90-95% des groupes que je reçois ici me disent, non, la scène, c'est quand même quelque chose de particulier. Ah, c'est vraiment... Oui, c'est grandiose. C'est une autre dimension, quoi. C'est complètement une autre dimension. Un gros son du public. Ouais, c'est clair. Oui. Des loges. Fourni. Enfin, je veux dire, voilà. Je comprends. Non, des dieux. Non, mais c'est important, la scène. Et puis, au-delà de tout ce qu'on peut entendre, parce que tout musicien en parle, quoi, hein, mais évidemment que c'est là où ça se passe. C'est là le cœur. C'est là, c'est là que viennent aussi des inspirations, hein, parce que ça peut générer tout un tas de réflexions, tout un tas de choses qui sont plutôt dans la construction d'un groupe, c'est important. Voilà, je vois pas comment ça pourrait l'être autrement d'ailleurs. Pour moi, je suis d'accord aussi. Mais bon, après, voilà, je respecte tout le monde, donc s'il y en a qui veulent pas, eh ben ça laisse la place aux autres. Justement, mais en même temps. Nous, quand on répète, c'est pour jouer en live. On répète pour faire du live, pour vraiment... Ah bah oui. Voilà. Enfin, Moi, ce que je dis souvent aussi dans l'émission, hein, c'est vrai qu'on le dit souvent, parce qu'on est une émission de radio, donc écouter la radio, c'est bien. Et heureusement, y a plein de gens aussi qui nous ont mis déjà des petits j'aime sur le Facebook de l'émission Mavrica, on les remercie. Il y a des gens qui nous écoutent sans forcément intervenir dans l'émission, mais s'ils ont des questions. Oui, on est à leur écoute. N'hésite pas à en poser. Si jamais il y a un producteur, on est là aussi. Enfin, je voudrais passer un petit message, qui n'a absolument rien à voir avec la musique, si je peux me permettre. Je voudrais faire un petit coucou à mes filles, à ma femme et à mon petit-fils Raphaël, voilà. Très bien. J'embrasse très fort. Allez-y. Moi je fais un bisou à ma fille Abby. On passe pas souvent la radio. On peut le dire. Alors moi je dis salut à mes potes de Top Secret. Voilà. D'accord. Top secret. Wow. Donc c'est un top secret. Moi je voudrais faire un peu de publicité. Non mais on a un Facebook aussi, si ça vous dit, vous pouvez aller dessus. Donc c'est Custom Big Rock. Big Rock. Attention, sur Facebook, n'hésitez pas. Enfin, voilà. Une intervention intelligente. Et ben voilà. Et puis là, on peut peut-être mettre un peu de musique, les gars, ça serait pas mal, non? Donc, sinon, moi j'ai deux camping-cars à vendre. Celui du bassiste et du guitariste qui nous pètent les burnes sur la route tous les étés. Oui! Et alors? Grosse promo. C'est vrai que d'habitude, on papote, et des fois, on passe une heure pour s'en passer de musique comme ça, parce qu'on est lancé dans des discussions et tout ça. Et là, c'est vous qui me ramenez un petit peu, il faut passer un petit peu de musique. Alors, parce que des fois, on arrive à la fin, à la dernière heure, et on se dit, tiens, on a passé que la moitié de l'album, et puis là, il va falloir en passer deux par deux des morceaux, ce qui s'est passé justement dans la semaine dernière. Donc là, ce qu'on va faire, au fur et à mesure, on va passer des morceaux. Tout à l'heure, je voulais juste dire que on dit souvent, écouter la radio, c'est bien, écouter les disques, c'est bien, mais aller au concert, aller voir les groupes sur scène, c'est encore mieux. C'est une autre dimension. Le 10 juin, par exemple. Le 10 juin, par exemple, il se passe quelque chose sur la région orléanaise. À la chapelle Saint-Émain, à l'espace Bérère, dans la grande salle de 500 personnes. Il y aura donc quatre projets différents, musicaux. Et il y aura aussi des exposants. Donc, il y aura des tatoueurs, il y aura des peintres, il y aura des écrivains, des photographes, il y aura plein de choses comme ça. Donc, venez passer un petit moment à l'espace Bérère samedi prochain. Et si vous ouvert à partir de 18h30 et le concert commencera vers les 20h30 à peu près. Okay. Voilà, 20h, 20h30, on va essayer de lancer la musique. Et par contre, il y a aussi, c'est l'occasion de retrouver plein de gens, donc tous les passionnés de musique rock de la région, ben, j'espère qu'ils seront là, sachant qu'il y a beaucoup d'événements en même temps, on n'a pas vraiment choisi la date, mais c'est comme ça. Donc il y a un événement à retenir, c'est le 10 juin à l'Espace Bérère, le Mavrica Live numéro 12. Let's voilà. go. Let's go. On va écouter donc le deuxième morceau des Customs, et tout à l'heure on avait parlé de Try, I Try, et c'est le morceau qu'on va écouter tout de suite. Allons-y. C'est parti. C'est parti. morceau qui envoie bien le groupe Custom avec Try. Alors, on en parle un petit peu de ce titre-là. Try, ça veut dire essayer en anglais. Alors, ça parle de quoi? De l'éternelle question des relations femmes-hommes. D'accord. Bah, l'histoire d'amour, ça marche toujours, hein. C'est vrai que. Mais c'est un sujet mal en général, hein, comme l'a dit l'autre chanson aussi. Oui, oui, aussi, ouais. C'est Rita Mitsuko qui disait et ça. Ouais. Voilà, l'histoire d'amour. Non, ça finit toujours bien entendu. Déjà, c'est bien d'avoir une histoire d'amour. Oui, il y en a qui durent très longtemps. Il y en a qui durent toujours. Qui se terminent jamais. Voilà ce que j'allais dire. Mais l'amour, c'est dur, c'est mou, ça dépend des jours, comme le disait le poète. Quel poète. Oui. Mais. Ça quel film, c'est une citation qu'on n'avait jamais dit dans l'émission, en tout cas. Eh bien, écoute, voilà, je suis ravi au moins d'apporter cela. Voilà. Là, voilà. Non, ça parle, oui, de relations classiques, voilà. Mm-hmm. Comment essayer d'être celui que l'autre veut, c'est une grave erreur. Faut être soi-même, et puis la personne doit aimer la personne telle qu'elle est. Bien faut sûr. Pas essayer de la changer. On s'aime tous, si tu veux sortir. Vous avez 4 heures. Voilà. Non, mais voilà, quoi, c'est tout simplement le ça. Le sujet est intéressant, c'est vrai. Ah, c'est un sujet vaste, effectivement, et celui qui nous régit depuis la nuit des temps. Donc, on va pas entamer cela ce soir, hein, sinon. Je pense qu'il y a autant de réponses qu'il y a de personnes, donc voilà, après c'est chacun qui choisit. Exactement. Et il y en a certains qui changent beaucoup, hein. Il y en a certains qui changent beaucoup de partenaires, et puis d'autres qui en ont un pour toute la vie. Ouais. Voilà. Ouais. Donc, voilà. C'est ainsi, et c'est encore l'affaire de chacun, et tout cela ne nous regarde pas. Ça, donc, ne nous regarde pas. Très bien. On parlait tout à l'heure de festival. Il y a un autre festival qui a lieu en ce moment. Hein, c'est au Dropkick. Voilà, je vais réussir à le dire quand même. Dropkick, donc c'est au centre d'Orléans, hein, sur la place du Châtelet, 37 place du Châtelet à Orléans. Donc il y a deux soirées. Donc c'est aujourd'hui et demain. Et c'est deux soirées pour 10 euros. Ou alors vendredi, c'est 5 euros. Et le samedi, c'est 8 euros. Voilà, c'est différent. Pourquoi il y en a plus le samedi que le vendredi? Alors le vendredi, il y a à partir de 19h, donc c'est terminé, c'était Sika que nous avons reçu il y a quelques temps dans les studios Radio Arc-en-Ciel. Ça fait déjà un petit moment, c'était vraiment au début de cette formation. Et puis d'ailleurs, il va falloir qu'ils reviennent parce que ça commence à dater. À 20h, c'était The Substellar, un groupe que je connais depuis pas mal de temps, que j'ai déjà invité à venir dans les studios. Ça ne s'est jamais fait, mais un jour ça se fera. À 21h, c'est le groupe Jartel 2.0. Jartel que j'ai reçu il y a longtemps aussi, mais depuis, il y a la nouvelle version, donc il va falloir la télécharger. Le 22, à 22h, il y a Wana, donc We Are Not Alone. Et à 23h, un groupe que j'ai eu l'occasion de voir plusieurs fois sur scène, c'est les Strong Come Hans. Et puis samedi, il y aura The Brunettes à partir de 16h, les Two Star Cover à partir de 17h, les Chili Dogs à partir de 18h, les Fuzz Theory à partir de 19h, le groupe Yeti, voilà, qui sera aussi au Maverick Live dans une semaine. Il sera donc au Dropkick à partir de 20h, Patient Z à partir de 21h, Ethylo Sex à partir de 22h. On en parlait. Et les Summer Chains à partir de 23h. Donc voilà, des soirées bien remplies dans un endroit bien formidable. Donc ça s'appelle le Calmos Festival. Donc c'est aujourd'hui et demain. Donc si vous ne nous écoutez pas parce que vous êtes pardonné. Et il faudra quand même vous rattraper avec le podcast. Voilà, ça c'est dit. C'est bien aussi de parler de tous les festivals qui se font. Et ça c'est très important. C'est même nécessaire. C'est nécessaire, voilà. Et en plus, il y a plein de gens, la moitié des groupes qui sont là, je les ai reçus, même peut-être plus que la moitié. Enfin, les autres viendront, hein, s'ils le veulent, il n'y a pas de souci. C'est une question de temps. Voilà. Donc, on parlait tout à l'heure de Try. Alors, pourquoi vous chantez en anglais? Ah, très, très bonne question, c'est pas. Alors, ça, c'est une question que. On ne connaît pas le français. voilà, déjà, il a du mal à parler français, mais. Non, je déconne. Non, on a assez l'accent. Non, mais après, c'est un choix, je sais très bien. Ça, mais... ça vient de. Non, aussi. Je pense qu'il faut poser la question à Olivier. Ouais, et puis une de nos cultures musicales qui est surtout anglo-saxonne. Oui, c'est ça, oui. Je pense que le rock'n'roll, vous l'avez entendu en anglais, donc ça fait. Ouais. Ça sonne comme ça dans vos oreilles. Vous avez envie de jouer ce rock'n'roll-là que vous avez entendu, quoi. Complètement. Voilà. Ah, c'est très bien. C'est un débat, hein. C'est un débat. Oui. Hein. Est-ce que le rock peut exister français. C'est un débat. Voilà. C'est un débat. Mais il ne reste pas moins que ce qui est vrai, c'est que la langue anglo-saxonne a une gamme mélodique beaucoup plus large que le français. Que le français. Et donc, du coup, c'est aussi plus facile, des fois. Voilà. C'est je trouve ça très dur de faire du rock en français, enfin du gros rock, enfin en plus voilà avec en français, je trouve ça très dur de le faire quand même. On tire notre chapeau à ceux qui font des chansons en français. Bien sûr, mais il y en a plein. Mais voilà, bon. Mais après, il faut que vous le sentiez, quoi. Vous préférez la langue anglaise, voilà, ça se comprend tout à fait. Et puis, c'est un choix. Oui. Mais peut-être un jour une chanson en français ou non, peut-être. C'est vraiment. Si peut-être. Si. Moi, j'aimerais bien. Ouais. J'aimerais bien faire un titre en français. Ouais. Mais Tata Yo-Yo, vous c'était pris. Et après, bon, ça sera en espagnol, en allemand, etc. Quoi. En espéranto. Espéranto. Ouais, on a un peu mal marré là-dessus, mais. Non, mais pourquoi pas, c'est pas fermé, enfin je veux dire, non, mais il n'y a pas de souci, mais non, je suis pas interdit aux Français, c'est pas ça, mais voilà, c'est que moi j'ai. Il a plus de facilité. Comme le disait Eric en plus, quoi, c'est vrai que c'est une question aussi beaucoup, pour ma part en tous les cas, d'éducation que j'ai eue. Voilà, moi mon premier disque, c'était Alice Cooper, quoi, donc. Ah ouais. Mon d'accord. Premier LP, c'était Alice Cooper, et voilà, quoi. C'était Billion Dollar Babies. Et je le connais par cœur, ce disque. Electric Ladyland. Voilà. Donc à partir de là, voilà, tu pouvais jouer que de la guitare. Ah, et moi, manger du serpent. Mais. De l'iguane. Non, mais bon. Iggy Pop, ouais. Voilà, le petit clin d'œil. Mais voilà, quoi. Donc, c'est juste une question, en fait. C'est pas. Oui, après, c'est une question que je pose comme ça. Après, chacun libre à chacun d'interpréter les chansons dans la langue qu'il veut. Et justement, la langue anglaise, c'est quand même la langue du rock'n'roll. Donc ça comprend très bien. Voilà. Quelles sont les deux couleurs qui illustreraient le mieux votre univers? Alors, les couleurs rouge, vert, bleu, etc. Tu peux répéter la question, s'il te plaît. Quelles sont les deux couleurs qui illustreraient le mieux votre univers? Donc, moi je suis daltonien perso. Donc. Ah d'accord. Bleu banane, d'accord. Je suis bien bleu banane. Ça, à vrai dire, j'en ai aucune idée. Je pourrais pas répondre à cette question. Si, rouge. Le rouge. Pourquoi peut-être rouge? Ça te fait penser à quoi rouge, toi? Le vin. D'accord, ouais, ça peut être une. Non, rouge. Non, il n'y a pas de couleur. Peut-être une réponse. Peut-être bleu. Bleu? Bleu, c'est joli. Ouais, c'est bleu. Ça ouais, brille c'est... dans le ciel, c'est beau. C'est le ciel, c'est le. Voilà quoi. Un bleu pailleté, alors. Non, c'est non. Non, c'est plus le ciel après. Non, mais bon. Pailleté, ça fait customiser tout de suite. Hein. Oui. Mais bon, voilà. Non, bon, pour donc il n'y a pas vraiment de couleur. C'est Eric, non, pour Eric, c'est noir. C'est noir. Ouais, le noir, c'est la couleur du rock'n'roll, souvent. Voilà. Hein, ça revient souvent. Attention, le noir n'est pas une couleur. Ah oui. Oui, nous on l'accepte. Attention, non mais il faut être précis. Ouais, voilà. C'est important. Être précis. De temps en temps, quand même, on peut. Le black metal. Alors là, on l'a. Bon, d'accord. Mais je sais pas, oui, une couleur, oui, mais c'est plutôt. Ouais, je sais pas, j'ai jamais réfléchi à ça, mais pourquoi? Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu poses des questions, tu vois? Alors, t'es là. On n'a pas eu de questions avant. Et toi, quelle est ta couleur préférée? J'aime bien le bleu, voilà. Le bleu. Ça va être le bleu. Bon, merci de me l'avoir me soufflé tout à l'heure. C'est pour ça que j'ai dit bleu, en fait. Voilà, ça peut être le bleu, ouais. Effectivement. Non, mais. Non, il n'y a pas de couleur. Il n'y a pas de couleur qui représente Europe Piston, voilà. Voilà, donc non parce que c'est quelque chose qui souvent apparaît dans les couvertures de disques, dans les affiches. Est-ce qu'il n'y a pas une couleur qui revient plus souvent? Non, arc-en-ciel. Ouais, on mélange un peu tout. Bah, oui, hein. Donc là, on a une affiche, si vous voulez, on peut voir. Vous voyez ouais. Tous. Donc là, il y a quand même du orange. Il y a un peu de bleu, il y a du orange, il y a du rouge. Il y a du orange et du noir. Mets l'affiche devant le micro, ouais, voilà. Que les gens y voient. Vous voyez tous. Voilà. Allez, je vais reposer. Alors, ce qui est marrant aussi, c'est que justement, il y a des couleurs que nous, on accepte plusieurs choses. Alors, il y a toutes les couleurs. Hein. Il y a le noir et le blanc, on l'accepte aussi, même si c'est pas vraiment des couleurs. Et il y a aussi un joker, c'était arc-en-ciel. Et c'est marrant parce que je voulais même pas souffler. Mais c'est vrai que si on dit arc-en-ciel, ça veut dire toutes les couleurs. On l'accepte aussi parce que forcément, on est sur Radio Arc-en-Ciel. Et Radio Arc-en-Ciel, on peut pas nier quand même. C'est moi qui l'ai dit. Donc voilà. Stéphane, guitariste. Français de grillé. Voilà. Bon, tout le monde est, c'est pas unanime, hein, donc les couleurs, mais non, bon, non, pas bien. Non, non, non, non. Par contre, on a parlé tout à l'heure un petit peu des influences. On a parlé déjà de plusieurs influences d'Olivier. Est-ce que vous avez tous les mêmes influences ou est-ce que vous écoutez les choses différentes? Alors moi, enfin pour moi, j'ai ouais, on écoute. Je pense que chaque personne ici présente écoute une musique différente de ce que l'on joue nous. Mmh. Ouais, enfin c'est vachement enrichissant, je trouve, de pouvoir écouter un peu différents styles de musique. Et on les retrouve peut-être un petit peu dans Custom à certains moments. Ça peut être un peu plus rock, un peu plus jazz, mmh. un peu plus voilà. Funk, reggae. Si, jazz, oui, jazz, Olivier, arrête de faire cette tête. Si, ça, c'est quand je fais que je rate mes accords. Ah oui, c'est ah du oui, jazz. Ah oui, c'est voilà, je dis à chaque fois. Ça, c'est mon excuse. Quand je me plante, c'est du jazz. Non, mais ça passe crème. Il y a une petite astuce, c'est si jamais tu te plantes dans une phrase, tu la répètes deux fois. Comme aussi. Ça, les gens, ils disent, ah bah oui, il l'a fait exprès, puisqu'il l'a fait deux fois. Voilà, ça, c'est une petite astuce que je peux donner aux musiciens, parce que... Ouais, mais après, il gueule. Après, on est décalé. Non seulement il y a une erreur, mais en plus, il la répète deux fois. Non, là, ça va pas le faire. Non, pour ma part, moi, il y a très très très longtemps, quand j'ai piqué un album à ma sœur, c'était le Deep Purple in Rock. Bien. C'était le 33 tours, le double, et... C'est le premier que je lui ai piqué, que j'ai écouté, puis après, ben voilà, c'est parti. Premier album que j'ai acheté avec mes sous, c'était en 84, c'était Power Slave d'Iron Maiden. Très bien. Puis après... Après, c'est parti en cacahuète. Yana Kamura. Non, je déconne. Non, c'est pas vrai. Qui c'est qui parlait d'Annie Cordy tout à l'heure, là? C'est le même. Non, mais c'est... voilà, ouais, c'est... Je suis parti, ouais, sur Deep Purple in Rock. Puis après, je lui avais piqué Pavlov's Dog, un Led Zeppelin et un Thin Lizzy. Thin Lizzy, je t'appelle. Thin Lizzy. Voilà. Puis après, je suis resté là-dedans, ouais, de tout ce qui était rock. Après, c'est vrai que, étant saxophoniste, j'écoute du jazz aussi, puis classique. J'aime bien la musique classique aussi, ça détend. Oui, faut, ça oui. paraît bizarre, mais ça détend. Oui, justement, ça détend. Et puis après, c'est pareil, chaque humeur, voilà, des fois on a envie d'écouter de la musique très forte, des fois on a envie de se détendre, et chaque musique est adaptée, d'ailleurs, justement, à différents moments. Mmh. Donc voilà, il faut écouter plein de choses différentes. Absolument. Hein. On ne peut pas écouter toujours la même chose. Non, c'est vrai. Ouais, il y a des choses qu'il faut mieux éviter d'écouter des fois, genre le nom qu'il a cité tout à l'heure. Non, c'est une marque d'échappement. Pardon. C'est pour les motos. Chanteuse, Wagner à fond, c'est pas une marque de vélo. C'est une marque de vélo. Mais pas de pub à la radio. Ouais. Voilà. Tu vois, moi, c'est plus. Je suis plus dans le métal, voire le gros métal, genre Arch Enemy, Opeth. D'accord. Du gros Kietash, mais qui joue du Dream Theater, tout ça. Ouais. Et un petit groupe qui était très sympa qui s'appelait Top Secret. Big up à Ludo. Et Top Secret, ça fait déjà deux fois qu'on en parle. Ça restera secret. Et puis j'ai commencé par Hendrix, Led Zepp, Deep Purple. Et puis après, tu fais de la guitare, t'as envie de faire des solos, t'écoutes des gens qui font du solo. Voilà. D'accord. Et tu te mets au golf. Voilà. Tu te rends compte que tu joues mieux au golf que tu fais des solos. Et là, c'est tac. Ah, ça m'est déjà arrivé d'être à des concerts avec des gens que je connais et puis qui étaient guitaristes ou qui jouaient d'un autre instrument et qui se retrouvaient devant quelqu'un qui était très très très fort. Donc ils disaient, oh, bah, dis donc, moi je crois que je vais me mettre à faire autre chose parce que. Mais bon, non, il faut persister. Ça m'est arrivé la première fois que j'étais voir Steve Vai en concert. À la fin du concert, tu fais peut-être me mettre au triangle électrique. Quoi, parce que, c'est bien aussi. C'est bien aussi. Très bien. On écoute encore un petit peu de musique. Ouais, avec plaisir. Donc, on a pas mal de morceaux à écouter. Et puis, il reste presque plus qu'une heure. Et puis, on a envoyé que deux morceaux du groupe Custom. Donc, j'en ai un autre qui est calé. Ah ouais, c'est le morceau que je passe dernièrement. C'est Pauvre Monde. Poor World. Voilà. Absolument. Alors là, c'est pareil, ça ressemble un petit peu à Bad Day, non? Au niveau de l'inspiration C'est à peu près dans le même état d'esprit, on va dire. Il est bien malmené quand même ce monde en ce moment. Quoi. Oui, oui, je crois qu'on est d'accord. Hein, même s'il si y a des gens qui n'ont connu jamais, qui n'ont jamais connu que ça, les gens qui ont vécu une autre époque se disent oui, quand même, c'était peut-être mieux avant. Ah, alors, là, attention. On passe pour des vieux cons quand on dit alors, ça. Alors c'était mieux avant, attention, là c'est dangereux. Mais non, mais sincèrement, le monde est malmené et il faut en prendre soin. Ouais. Et il faut qu'on le dise, quoi. Parce que le monde du futur, c'est à nous de le construire, hein, de toute façon. Donc, Mais le monde d'aujourd'hui aussi, hein, il faut qu'on le construise, puisque aujourd'hui, il est un peu compliqué, quoi, voilà. Donc, oui, c'est un très peu compliqué. Il est, voilà, il y a besoin qu'on en prenne soin, il y a besoin qu'on prenne soin de nous. Et voilà. Et donc, c'est pour ça, Power. Et puis, là, pour le coup, c'est Fabien qui a été un petit peu à l'écriture, et voilà, et c'est bien aussi, quoi, voilà. Donc, c'était, voilà, Power. C'est parti. Il en parle encore c'est mieux. Parti. C'est incroyable. We'll be right back. Voilà, donc il y a du rock'n'roll. C'est quoi, c'est un téléphone, c'est... Non, c'est pas... Ah, pardon. Non, c'est... Excuse-moi, parce que j'écoutais les versions du coup et... D'accord. Non, visiblement on t'a envoyé le mauvais fichier quoi, parce que c'est pas du tout celui-là. D'accord, c'est le morceau qu'on diffuse déjà depuis pas mal de temps, c'est un morceau que vous m'avez... Il faudrait que tu prennes les morceaux de la clé. Je l'ai récupéré de toute façon. Ouais, y a pas de soucis. C'est-à-dire que le morceau que j'ai là, c'est peut-être un morceau que vous m'avez envoyé il y a quelques temps, et depuis, c'est vrai que ça n'a pas été renouvelé. Mais vous avez tout de suite reconnu que c'était pas la version définitive, non, parce qu'il y a une version définitive qu'on découvrira dans les prochaines émissions. On la garde. La semaine prochaine, on l'envoie. Comme ça, ça donnera encore plus envie. Mais justement, je la découvrirai aussi, parce que là, j'ai vu que vous avez une nouvelle version donc de ce morceau qui s'appelle Poor World. Voilà. Des mauvaises nouvelles dans le monde et tout ça, des choses qui continuent. Et puis on se dit, voilà, après plusieurs milliers de civilisations, l'homme n'a toujours pas compris. Et puis on est toujours en train de faire des erreurs. Et c'est bien dommage, parce qu'on devrait être capable de vivre tous ensemble. Et puis de partager des bons moments de concerts de rock'n'roll. Voilà, ça c'est le plus important. Voilà, ça c'est notre philosophie. Très bien, donc voilà, on a passé la version, une version plus ancienne. On a encore plein de morceaux à diffuser dans l'émission Mavrika. D'ailleurs, on va parler un petit peu des enregistrements, parce que là, donc il y a eu des premiers enregistrements qui ont été faits dans votre studio. C'était des morceaux qui n'avaient pas été mixés. Comment ça se passe? Les enregistrements, en règle générale, Eric, je pense que tu peux mieux en parler que moi. Alors pour celui-là de Poor World, ouais, c'est la version master, donc sans rien de travail derrière, mais qu'on avait fait en studio. On avait fait trois morceaux, c'est les trois derniers qu'on a fait là. D'accord. J'étais avant le Covid, non? C'était juste après, je sais plus. C'était avant 2021, c'était, je crois. Ouais, c'était juste avant en fait. On avait enregistré. C'est moi qui vous souffle. Non, c'était juste avant, et ensuite ils ont été mixés un petit peu après. Donc. Ouais. D'ailleurs, on remercie Romu pour le mix. Oui, c'est vrai. Merci à lui. Très sympathique de sa part. Il nous a bien aidé énormément. Ouais. Et sinon, les premiers enregistrements qu'on a fait, c'était à Évry. Et ça, on s'était fait 5 morceaux, je crois, en une journée, un truc de fou furieux. Ce qu'il n'y a pas à faire. C'est n'importe quoi. Mais c'était très sympa. On les enchaînait. C'était une belle expérience. Ouais, c'était sympa. Ouais. C'était les premiers enregistrements qu'on a fait. Ouais. Après, c'est pareil. Il faut faire aussi. Il faut se lancer et puis il faut faire les choses. Ouais. Et après, la fois d'après, vous corrigez de manière à vous améliorer toujours plus. Hein. Voilà, absolument. C'est clair. Donc, moi, je trouve que l'enregistrement, là, il est bien et tout ça. Mais effectivement, maintenant que vous m'avez dit qu'il y avait une nouvelle version remixée, j'ai envie de l'écouter quand même. Hein, donc, Fais-toi plaisir. Vas-y, n'hésite pas. Très bien. J'en ai calé une autre entre temps. Hein, tu l'as pris sur la pile. Oui, cette fois-ci, j'ai pris sur la clé, parce qu'effectivement, j'ai aussi mes versions, et donc je mettrai tout à jour avec les nouvelles versions, comme ça, pour les prochaines émissions. Le prochain morceau qu'on va écouter s'appelle Only Revolution. C'est ce qu'on disait, voilà, il y a tout qui va mal, il faut peut-être une révolution, non? C'est quelque chose qui doit changer. Quelque chose qui espère bouger les choses. Voilà. Absolument. Très bien, donc ce que je propose, c'est qu'on écoute ce morceau. Only Revolution, le groupe Custom. I'd like to know that the day will come, all the way up to truth. I'd like to know we have to feel all the power's way is coming up. Stay. Only Revolution, le groupe Custom qui est notre invité de cette émission numéro 555. Et ils sont là, les cinq membres du groupe, et ils feront partie donc de du concert de la semaine prochaine, le 10 juin, le Mavrika Live, avec d'autres groupes. Il y aura le groupe Yeti, il y aura le groupe Melody Road, et en interscène, il y aura notre ami Alex Le Bay. Voilà, donc le groupe Custom ce soir, ben, on va découvrir tout leur univers. Donc ils n'ont pas de couleur préférée. Voilà, ça non, c'est la première fois que ça nous arrive dans l'émission. Ah, parce que les autres groupes d'habitude ont des couleurs préférées. Ouais, il y a toujours des couleurs qui reviennent. Des fois ils ne sont pas toujours d'accord entre les membres, mais il y a toujours des couleurs. Donc là, non. Moi j'avais dit tout le monde bleu. Moi j'avais dit quand même. Ouais, c'est vrai. Mais enfin, on s'y pense. Le bleu. Moi bleu banane. Il faut qu'on se mette d'accord. On travaille là-dessus, les gars, la semaine prochaine. On viendra peut-être pas samedi, du coup, parce qu'on a pas mal de choses à revoir. Vous venez tous en combinaison rose. Tiens, pourquoi pas. Nous chauffe pas trop. On peut le faire. On peut le faire. Toi, Eric, en rose ? Oh non. En bleu, bon, ça sera bleu. En blue jean, voilà. Très bien, donc le groupe Custom, donc un groupe qui existe déjà depuis 11 ans. Voilà, c'était 2012, vous êtes tous retrouvés et depuis vous faites de la musique, des compositions. C'est et ça. On a écouté déjà pas mal de bons morceaux. Ouais. Est-ce que ça vous arrive aussi sur scène de fois d'interpréter des reprises? Jusqu'à... Alors, on a deux. On en a deux, oui, effectivement, absolument. Ouais. On en a trois. On me confirme, on en a trois. Ah, trois. Laquelle la troisième? Ah oui. Non, c'est pas celle-là. Arrête, alors écoute, on a la radio. Alors, on a la radio, le mec. On a Ken Tucci de Tucker Marshall Band. Non. Non. Si, c'est du Marshall Tucker Band, pardon. C'est la Ken Tucci. Et on a Neil Young. Non, c'est, oui, c'est ça. C'est Rocking in the Free World. Et on a Fly Me to the Moon de Frank Sinatra. Voilà. D'accord. Voilà. Grand respect, Frankie, grand respect. Voilà. D'accord. Ah, ça, Frankie. Là aussi. On n'y touche pas. D'accord. Always on my heart, Frank. Ok, donc là actuellement vous avez combien de morceaux que vous avez composés déjà? Alors tout à l'heure vous avez parlé d'une vingtaine de morceaux. Oui, c'est ça. Des morceaux finis, vraiment. Ouais, ouais. Oui, en règle générale, la plupart, oui, sont tous finis, absolument. Mais pas tous enregistrés, mais malheureusement. Pas tous enregistrés. Oui, on en c'est peut-être l'idée pour faire un prochain album, non? Eh ben, écoute, je pense que ça va être nécessaire. S'il y a un producteur, comme je leur dis, s'il y a un producteur, s'il y a un producteur qui nous attend, qui nous entend dans le coin, là, bah, écoutez, n'hésitez pas. D'autant que, tu vois, ça me disait quelque chose, ce nombre 555. Ouais. Ça a une signification, en fait, hein. D'accord. Le 555 renforce l'idée de changement par la triple répétition du chiffre 5. La puissance du chiffre s'en trouve décuplée. Vous ne pouvez plus faire faux bond à votre destin. Ah, bah non, là, c'est un signe, ça. Attends, tu vas voir, attends, c'est un truc de fou. Et c'est une bonne chose pour votre avenir. Ah bah voilà, voilà. Alors là je dis respect, tu vois, voilà. On voit là quelque chose. Vous devez de positif, vous préparer aux changements qui vous conduiront vers le bonheur et la liberté. Et ça, vous l'aurez le 10. Voilà. On venez nous voir. Préparez-vous. C'est la signification en numérologie donc de 555. D'accord. Et donc bah merci parce qu'on on ne savait pas. Demain s'offre à nous le bonheur et la liberté. Mais même à partir de là maintenant. Le bonheur est là, on le voit et on le partagera. Et on le partagera le 10 avec tous ceux qui viendront. Voilà. Free hugs. Voilà. Même ceux qui ne seront pas là. Eh bien. Tant pis pour eux. Tant pis pour eux. Ah oui, ça, alors là. Justement, les enregistrements que vous faites, on peut les retrouver comment? Sur internet, non? Sur les plateformes? Sur le site? Alors Facebook, toujours. Custom Big Rock. SoundCloud. Sur le Facebook, t'as le lien SoundCloud. Et voilà, où il y a les six morceaux qu'on avait enregistrés. Donc, à l'époque, la Halle du Rock. Et la Halle du Rock aussi, pour ceux qui traînaient un peu en Essonne. Ça a été un grand vivier de grands groupes, puisque les Sid Marys, à l'époque, Mr. Gang. Absinthe, tout ça, sont des groupes qui sont nés à la Halle du Rock à l'époque, et c'était une grande époque, vraiment. Mais bon, voilà, c'était pas mieux avant, parce qu'aujourd'hui, il y a plein de grands groupes encore, plein de jeunesse. Ouais, quand on dit c'était mieux avant, non, c'était pas. Il y a des choses qu'on regrette pas, hein, je sais pas, mais. Non, mais là, il y a custom. Ouais. Non, mais il y a des choses qu'on regrette pas. Moi, je regrette pas, par exemple, l'arrachage de dents sans anesthésie, tu vois. Ouais, ça, c'est des trucs que je regrette pas. Oui, c'est vrai qu'il y a des choses vraiment, heureusement que ça a évolué. Et c'est vrai qu'on s'accroche toujours aux choses qu'on a perdues. Et souvent, on oublie les mauvais moments aussi. Et on se dit, on est bien content d'avoir évolué sur certains sujets, quand même. Ben, voilà, bien sûr. Donc il faut chaque époque ça, hein. A ses bonnes choses et ses mauvaises, donc voilà. Mais une chose tient et durera, c'est le rock'n'roll, ça c'est sûr. Yeah. Ah ouais. Indémodable. Indémodable, parce que toujours présent, parce que c'est toujours l'expression d'une vie, ça permet toujours l'expression de ce qu'on vit, et on en parlait tout à l'heure. Tu vois, et ça fait morceaux. Du bien. Only Revolution, oui, c'est ça, c'est le fait de dire, bah ouais, voilà, quel chemin, comment on fait, et encore une fois... on a besoin d'en parler avec notre jeunesse, parce que c'est aussi notre jeunesse qui fera l'avenir, et il faut voir ça avec eux aussi, c'est important. C'est eux qui demain seront là, et d'ailleurs quand moi j'entends beaucoup de groupes de jeunes là où on répète, il y a beaucoup de jeunes aussi, et je suis aux anges, quoi, parce que j'entends des jeunes, moi ça me fait plaisir aussi, waouh, hein. ça envoie, quoi, hein, et les petits gars, c'est bien, ils ont bien compris, et c'est bien, parce que même eux ils savent jouer Johnny Be Good par exemple. Ah bon? Bon, si on me le demande gentiment. Il y en a qui savent chanter Shining Time. C'est vrai. Mais c'est pas pareil, par contre. C'est pas le même. Non, mais là, ça balance. Non, voilà, bien sûr. Voilà. Alors que là, c'est juste savoir mettre des notes. Voilà. Enfin, bon, bref. Ouais. On en reparlera. Oui, voilà. On va faire une réunion. Non, mais c'est bien, quoi, toute cette jeunesse, je trouve. Et bon, voilà. Quoi, donc, ouais, c'est vrai qu'on dit que le rock'n'roll, voilà, c'est une musique pour les gens d'un certain âge. Hein, c'est vrai. Moi, j'en fais partie, le premier. Et c'est vrai que quand je vais au concert, je vois qu'il y a de plus en plus de gens qui... C'est vrai qu'avant, c'était une musique de jeunes. Les jeunes, aujourd'hui, ils ont pris un peu de bouteille, mais il y a les jeunes qui arrivent derrière, qui sont là aussi, et ça nous fait plaisir de voir qu'il y a plein de gens... Et même dans certains groupes, il y a aussi des mélanges. Moi, j'aime bien quand il y a des gens d'un certain âge, d'autres qui sont beaucoup plus jeunes, et ils jouent ensemble. Et ça se passe super bien, parce qu'ils ont la même passion. Donc l'âge, on s'en fout un petit peu. Hein. Oui, voilà. C'est un peu la caution, quoi, tu vois, truc, voilà, et d'intégration... On a une subvention en le prenant. D'accord. Non, mais l'avantage aussi, c'est que moi, par exemple, je parle pour mon cas, c'est que en jeunesse, je m'y connais. Hein, je suis quand même jeune depuis pas mal de temps. Hein. Donc voilà, j'ai quand même une certaine expérience que les jeunes n'ont pas. Hein. Ça, c'est sûr. Sachant que les jeunes, des fois aussi, quand on se fait un petit peu chambrer comme ça, on se dit ouais, mais vous êtes, nous, on est des anciens jeunes, vous êtes des futurs vieux. Voilà. Bah, c'est ce qu'on vous souhaite. Voilà. Mais toujours dans le rock'n'roll. Voilà. Dans le rock'n'roll, dans la bonne humeur. Voilà. Mais oui, c'est important. Il faut être de bonne humeur toujours. Mmh. Voilà. On va parler aussi de projets. Donc, le disque, il n'est pas distribué sous forme physique. Il n'y a pas de vinyle. Pas encore. Pas de vinyle, ça, de cassette, de. C'est vraiment le projet, ça, effectivement, de toute façon. Il faut, d'accord. Voilà, donc, on fait un appel aux dons. Voilà, justement, si vous avez un peu d'argent à investir, on est là, on est preneur. Mmh. Voilà, pour. Pour un petit disque, quoi, ça peut se faire, non ? Il y a des sites dans lesquels une cagnotte, vous pouvez lancer une cagnotte et puis voir les gens s'ils veulent participer. Puis non, après, en échange, bah, ils auront une récompense comme le CD, quoi. Ils le oui, ou alors une nuit avec le nouveau guitariste. Voilà. Ah ouais, mais là, c'est carrément le top. Là. Ah bah oui, c'est le summum. Ça sera réservé aux 15 premières. Voilà, déjà. Non, 15 premiers aussi. On ne fait pas de différence, pas de discrimination. C'est comme les couleurs. Non, comme après, les couleurs. Pas de discrimination. Voilà. Non, nous, on ne jugera pas dans l'émission Mavrika. Voilà. Chacun fait ce qu'il veut. Il n'y a pas de souci. Tout passe bien. Évidemment, donc il y a un album, une tournée mondiale qui est en cours de préparation. Mmh. Donc Japon la semaine prochaine. Ah non, la semaine prochaine c'est Mavrika Live. La semaine d'après c'est Japon. Voilà. Et puis bon, comme on est attaché, puisqu'on a quand même un peu de fibre écologique et d'environnement, bon, et voilà, il faut qu'on travaille ce tour du monde parce qu'il va se faire en bus. Donc voilà, parce qu'en avion, on a bien compris que c'était compliqué aujourd'hui. À piquer voilà. Et ce qu'on peut dire ce soir, c'est que le bus, en vérité, il est propulsé par des pédales. Donc tout le monde doit pédaler. Non, c'est les fans qui poussent. Non, trêve de plaisanterie. Évidemment, ouais, un enregistrement. Et puis voilà, l'ambition, c'est vraiment qu'on ait enfin cet album, parce que c'est nécessaire, parce que voilà, dans la promo, dans tout un tas de choses. Mm-hmm. Et puis pour nous aussi, parce que c'est aussi l'aboutissement, encore une fois, d'un travail. Mm-hmm. De toute façon, voilà, il faut que... Ça, c'est vraiment voilà, il faut vraiment qu'on s'y attelle, quoi, vraiment. Mmh. Vous avez fait combien de concerts depuis que le groupe existe? Deux. Mais t'as fait deux concerts avec nous, oui. Une cinquantaine à peu près. Ouais, comme ça. Ouais, vous tournez quand même pas mal, quoi. Donc, on tourne un peu. Ouais, mmh. On tourne. Et ce que vous voudriez, c'est justement peut-être aller plus loin. Vous allez où en France? Vous êtes resté en France pour l'instant ou... Oui. Mmh. Pour l'instant, on est resté en France. Parce que bon, après, on est étranger, on ne sait jamais comment ça se passe bien, quoi. Donc, voilà. Il y a le problème des vaccins, non, en fait. Bien entendu. Non, d'accord. Mais c'est aussi qu'après, on est un groupe d'amateurs, on a des professions. Bah oui, c'est ça. Hein. On a des métiers, enfin bon, voilà, et oui, des familles, voilà. Que tout cela doit être conjugué et pour arriver à ce qu'effectivement l'étranger non pas pour l'instant mais pourquoi pas si l'opportunité se présentait entendu petite, hein, les voyages forment la jeunesse petite date de temps en temps à l'étranger ça serait bien aussi mais nous on est preneurs bien entendu hein, Orange Bowl Theatre Los Angeles on est prêt Madison Square Garden on peut commencer par le Troubadour à Los Angeles une petite salle au Troubadour à Los Angeles voilà il n'y a pas de souci voilà hein. Faut pas commencer trop grand. Non, mais faut y aller par étapes. Ouais, Madison, d'accord. C'est bien, c'est une base. Voilà. Non, mais. Trêve de conneries. Mais bon, voilà, non, sérieusement, c'est. Nous, on est ouverts aux propositions aussi. Et évidemment que. Après, voilà, ça se conjugue avec la vie. Hein, qu'on... Ah oui, c'est une question d'organisation. Après, c'est, effectivement, si l'occasion se présente, après, c'est une question de s'organiser, de retenir une date à l'avance. La preuve, c'est que ça fait déjà 3 ans qu'on est en train de parler du Maverick Alive et enfin, il aura lieu la semaine prochaine. Voilà. Ah, avec beau, le groupe Custom. Eh oui, c'est nous. Bonsoir. Alors, dans les projets, est-ce qu'il y a des concerts que vous pouvez annoncer? À part, bon, on a déjà annoncé celui de la semaine prochaine. Est-ce qu'il y en a d'autres qui sont... Il y aura le 21 juin, donc la fête de la fête musique, de la musique, bien entendu, qui va se passer musique, à Leuville-sur-Orge. À Leuville-sur-Orge, absolument. On salue Benoît d'ailleurs, ouais. S'il nous écoute ce soir. Au mois d'octobre, on a un petit concert chez les Zombie Bikers qui s'appelle Bad School. Les Bad School Brothers. Les Bad School Brothers. Aux Ulysse. Big up à eux. Ouais, les motards, souvent, ils écoutent du rock'n'roll quand même. Ah oui. C'est les fêtes de l'UMA en septembre. Voilà. D'accord. Pour l'instant, on en est là. Ok, donc si jamais il y a des gens qui vous écoutent et qui ont envie de vous faire jouer, le mieux c'est de vous contacter peut-être à travers le Facebook, non? Custom Big Rock. Absolument, voilà. Tout à fait. Ouais, tout à fait, trouver, au contraire, qu'ils n'hésitent pas. Hein, Avec grand plaisir. Très bien. D'autres projets? Est-ce qu'il y aura des clips vidéo? Alors, on a déjà fait 2 clips vidéo. Un sur Bad Days, qui a été le tout premier. Et il y a eu ensuite Try. Et le troisième, non. Enfin, il n'y a pas... Enfin, on a trouvé quelqu'un qui pourrait réaliser le clip. Il est photographe en même temps. Il est réalisateur de clips, donc on en a parlé il n'y a pas si longtemps que ça, on va remettre un petit peu ça sur la table je pense et essayer de se trouver un titre pour lancer le troisième clip et voilà quoi. Hein? Très bien, donc des clips voilà, vous avez plein d'idées, des enregistrements d'un prochain album, des concerts, ouais. Bon, il y a plein d'actualités qui vont venir au fur et à mesure. Mais on avance tout doucement en tout cas, ouais, très sûrement, bien. Tout doucement, et puis on prend du plaisir. Mais on avance. Le plus important le but c'est ça. C'est de prendre du plaisir dans tout ce qu'on fait et voilà, que ce soit des studios, des concerts, des clips. Voilà, on s'en tous bien, donc voilà, on avance sur les mêmes rails, sur la même voie. D'accord. Voilà. Très bien, donc voilà, tout est en marche pour... oui, d'autres choses à rajouter. Oui, peut-être, Patrice, tu as peut-être quelque chose à dire. Non, moi, j'ai pas grand-chose à dire pour l'instant. Fabien, tu as très bien parlé. C'est voilà, pouce en l'air. D'autres choses, parce que j'ai parlé d'enregistrement, de concerts, de clips. Est-ce qu'il peut y avoir d'autres projets? Peut-être, non, des choses auxquelles j'ai pas pensé. Non, t'as pensé à tout, Albino. Ouais, je pense qu'on a fait le tour, mais enfin, pas pour l'instant. Non, voilà. On est parti dans cette optique et on va essayer de tenir le plus longtemps possible. C'est mal barré. C'est mal barré. Pardon. En plus, c'est le chanteur. En train de perdre le chanteur. Mais... Tu t'es entendu tousser ou pas? Avec le casque sur les oreilles. Tu t'entends tousser, non? Oui, bien sûr. Oui, c'est bien. Et t'en es fier. En même temps, dans les casques, on entend ce qu'il y a dans les micros aussi. Donc, forcément, c'est amplifié. Non, mais tu tousses bien. Voilà. Je le fais assez bien. Oui, non, c'est respect. Non, mais bon, c'est la pollution. Ah, tiens. Oui, c'est l'allergie au pollen. Actuellement, il y a un pic, apparemment. Donc, il y a des gens qui sont sensibles, d'autres qui passent à travers, ça leur fait rien, et puis d'autres qui sont malades, voilà, tout simplement. Donc, et puis là, c'est peut-être aussi la pollution, hein. Simplement. Oui, et puis bon, bref. Voilà. Quels sont les différents sujets? Donc, on a parlé déjà plusieurs sujets que vous abordez. Tout à l'heure, on a aussi parlé d'écologie. Est-ce qu'il y a des chansons aussi qui parlent d'écologie, de choses comme ça, non? Bah, c'était un peu le sens de Only Revolution, mmh. puisque c'est voilà de ce qu'on a fait, de l'héritage que nous ont laissé nos pères, voilà de ce qu'on en a fait et de ce qu'on va pouvoir laisser à notre descendance aussi et à l'avenir. Donc voilà, ça parle aussi évidemment d'écologie, de ce temps où la Terre vivait sans nous et elle s'en portait pas plus mal finalement. Quoi. Ouais. Donc voilà, c'est un peu de ça aussi que ça parle. Donc oui, évidemment, comme je le disais tout à l'heure, quoi, un peu teinté de ce qu'on vit, de ce qu'on est, mmh. voilà, et des sujets qui nous traversent en ce moment, évidemment, qui... Voilà, qui me tiennent à cœur, qui tiennent à cœur un petit peu à tout le monde. Et puis, bon, voilà. Mmh. On en parlait justement la semaine dernière avec Doreen Lowe. On parlait de la Terre qui tournait avant que nous, on soit là. Et on disait, ouais, les êtres humains, ils vont détruire la Terre, mais je pense qu'ils vont se détruire eux-mêmes. Et puis, la Terre, elle va continuer à tourner après l'humanité, non? Alors ça, je serais mort, je pourrais pas le sentir. Ouais, on sera plus là, on pourra pas. Mais bon, je crois que déjà ceux qui se mettent en danger, c'est les humains eux-mêmes. Bah, ouais, c'est sûr. S'ils continuent à aller dans le sens-là. Ça, c'est sûr. Ah, ça. C'est pas 8 milliards d'humains qui vont faire exploser la Terre. On a vu autre chose. C'est sûr, mais bon, en tous les cas, il n'empêche que c'est pas pour autant qu'on doit regarder les choses se faire et ne pas agir, quoi. Ouais, tout à fait, ouais. Chacun à sa façon peut intervenir et essayer d'éviter justement de faire des mauvaises choses, quoi. Voilà, qu'on puisse continuer à passer à nos enfants et nos petits-enfants oui, nos musiques. Mmh. Que voilà, que le rock'n'roll puisse perdurer dans un monde, voilà. Et je pense que ça serait bien, quoi, aussi. Quoi. C'est ça l'idée, c'est que... À la fin de chaque émission, on dit des phrases magiques. Je voulais dire tout à l'heure, vous allez voir que c'est tout à fait dans l'esprit. À la limite, on peut commencer à les révéler là, hein, pour les gens qui écoutent. À la fin de chaque émission, on dit toujours la même phrase, c'est d'abord que le rock'n'roll soit avec vous. La deuxième, c'est en anglais, c'est « Everything is gonna be all right ». Donc toujours message d'espoir, hein, dans l'émission Mavrika. Mm-hmm. Donc on est tout à fait en phase, hein. Vous faites vraiment partie de la Mavrika Family. Et la troisième, c'est « Une vie sans musique serait une erreur ». Ça serait une catastrophe, je dirais même. C'est plus qu'une erreur. Hein. Donc, vous êtes d'accord avec ça? Absolument. Pour l'instant, j'ai trouvé personne qui n'était pas d'accord dans l'émission. Ouais. Bon, peut-être que. On peut en trouver. On peut en trouver. Et qu'on retrouve nos CD dans 10 000 ans. En télé. Voilà. Les CD de custom dans. On imagine, mais c'est vrai que si par exemple on retrouve un CD, comment les gens qui n'ont pas de lecteur vont pouvoir faire quelque chose avec? Moi, déjà, je pense que les CD n'existeront plus. Si, bah ouais, parce qu'on mettra un mode d'emploi, nous. Nous, on est malin. Custom est malin, on mettra le mode d'emploi avec. Avec le lecteur. Avec le lecteur, voilà. Le CD sera vendu avec le lecteur. Ouais, à ce propos, justement, on parle du vinyle. Est-ce que vous aimez bien le retour au vinyle ou est-ce que le CD... Bah, je crois qu'il y en a parmi nous qui aime bien ça, c'est Olivier. Ouais. Il a pas mal de vinyle, je crois, non, il me semble. Il a acheté une jolie platine aussi. Bah, et puis, c'est surtout que du coup, voilà, comme c'est revenu au goût du jour, bah, ça a permis de ressortir des placards. Voilà. Et ouais, ce qu'on avait gardé, hein, tous les vieux Scuds. Ouais. Moi, j'aime bien, toujours. Parce que, ouais, bah, c'est une autre ambiance, mais bon. Malheureusement, je trouve que l'industrie du disque ne rend pas très accessible le vinyle. Ben non. Hein, oui, c'est pas la vinyle. Vu que c'est vendeur, ça a pris d'or. Franchement, ils abusent, quoi. Oui, je pense aussi, mais bon. Après, ils disent que c'est le plastique qui coûte cher, le vinyle, etc. Non, donc, c'est le côté vintage. Ouais, c'est vintage, c'est cher. C'est ça, voilà. Donc, Non, mais oui, moi, j'aime bien le retour du vinyle. Je trouve que les pochettes, pochettes, c'est quand même, voilà, c'est quand même autre chose. C'était plus sympa, quoi. C'est un son non compressé. Voilà, c'est... Et ça, c'est vraiment important, quoi. Ben parce que quand on écoute un disque, c'est vrai que, bah oui, ça sonne différemment. Il n'y a pas de templier, quoi. C'est le son analogique, hein. C'est le vrai son. Voilà. On fait bouger une membrane, on enregistre cette vibration et on la restitue exactement pareil, quoi. Bah, il n'y a pas de numérisation, il n'y a rien du tout, il n'y a pas de transformation. Et ben moi, je préfère le CD. Voilà. C'est un débat, C'est un débat, ouais. Je suis pas arrêté, voilà. Je m'en fous à la fin, quoi. Mais j'écoute beaucoup de numérique aussi à travers le téléphone directement. Je suis pas, parce que voilà, évidemment, hein, Mais ça permet quand même, le numérique permet d'écouter la musique partout où on est, à tout moment, quand facilement. On veut. Oui, c'est vrai qu'on a cette facilité-là. Par exemple, on imagine, moi, je me souviens, on parlait tout à l'heure des années 80, donc moi j'ai vécu cette période-là. On écoutait la radio, on écoutait un titre, il nous plaisait, il fallait déjà qu'on chope le titre, parce que bon, on n'avait pas les applications sur le téléphone pour reconnaître les chansons déjà, donc il fallait qu'on chope le titre, donc on écoutait souvent la radio. Les radios, il n'y en avait pas 36. Combien de fois dans le temps, on n'avait pas le titre? Il disait pas le titre. Et on allait chez le disquaire, on disait la chanson qui fait celle-là. Et il te regardait. Et on rentre à la maison avec un disque qui avait rien à voir avec ce qu'on voulait, mais bon. Ou alors souvent, bon, qu'on arrive à avoir le titre, on commandait, parce que souvent les disquaires n'avaient pas tout à disposition. Donc ouais, ok, d'accord, j'ai mon catalogue, vous l'aurez dans 15 jours. 15 jours après, on va le chercher, et on arrive, et là on a le disque qu'on a tant attendu, et là on le met sur la platine. C'est vrai qu'aujourd'hui, on écoute un truc à la radio, on a le titre tout de suite, aussitôt, hein, et on peut l'avoir aussi. On le télécharge, et puis voilà. Mais par contre, avant, on le méritait, ce son qu'on mettait sur une platine. On prenait le temps de l'écouter. On l'écoutait pas une seule fois, hein, un vinyle, on l'écoutait plusieurs fois. Et on regardait la pochette, on lisait tout ce qu'il y avait à lire, et puis on voyageait, quoi, dans la musique. Et aujourd'hui, on a tellement de la facilité d'avoir tous les morceaux qu'on écoute l'intro, on écoute deux minutes sur quatre, et puis hop, on passe à un autre, et ainsi de suite, quoi. On prend pas le temps de savourer, ce qui est un petit peu dommage. Voilà, c'est aussi ça, l'avantage du vinyle, quoi. C'est que, voilà, il faut que tu ailles changer le disque, il faut le retourner. Voilà, il y a une préparation, non, mais on peut dire ce qu'on veut, hein, Eric, mais. Je renie pas vraiment le CD non plus, parce que non. Voilà, mais non, je pense voilà, que... c'est autre chose, quoi. Voilà, c'est différent, façon de... c'est complètement différent, je pense. Voilà, d'autant que bon, après, voilà, ça demande aussi effectivement à avoir un petit équipement qui est compliqué des fois. Alors évidemment, on peut avoir des petites platines là qui sortent sur deux petites enceintes comme ça. Oui. J'envoie qui écoute les vinyles comme ça. Bon, ok, bon, d'accord. Okay. Je respecte aussi, mais. Je pense que oui, du coup, d'un côté, tu as un aspect vintage, mais de l'autre côté, tu as deux petits ajouts. Moderne et tout. C'est moderne. Bon, c'est pas grave, hein, mais ça permet aussi d'écouter. Moi, je me souviens, dans les années 80, on avait pas de téléphone, on n'avait pas de lecteur MP3, on n'avait pas de CD, tout ça. Mais on avait des bonnes enceintes, quoi. Des bons amplis, des bonnes enceintes, et on écoutait ça à un bon son. Aujourd'hui, eh ben, on a des sons numérisés, et souvent, on l'écoute sur un téléphone. Il n'y a pas de basse. Par mes parents, c'est la musique, il y en a marre. Mais... Voilà. Donc on peut aussi écouter le nouveau MP3 sur une bonne chaîne aussi. Hein. Voilà. Il y a quand même des bons lecteurs qui permettent d'écouter. Oui, bien sûr. Voilà. Oui, ça écoutait quand même assez positif. Hein. Tout ça. Mais c'est marrant, quoi, aujourd'hui, ouais, cette façon, effectivement. Mais bon, ça va avec l'esprit d'ambiance, quoi, la consommation. Enfin, ouais, c'est ça, c'est la consommation, voilà, qui a changé. Hein. Écouter un album complet, se poser, l'écouter. C'est aussi, ça va avec ça, la musique aussi. C'est quand même prendre ce temps, quoi, d'écouter, de s'imprégner. C'est comme quand on lit un livre, finalement, écouter un disque. Ouais. Voilà, tu te le poses, tu t'écoutes, tu l'écoutes vraiment, quoi. Tu fais rien d'autre. Parce qu'on fait 3000 choses dans cette société en même temps. Donc tu poses le disque, tu écoutes. Voilà. Et ben, c'est comme lire un livre quelque part, quoi. Et là, tu te plonges dans l'univers musical des artistes. Et là, tu peux, transformer la musique. On savoure, vraiment, ouais. Voilà. Comme un livre. T'as des passages qui te plaisent pas, mais bon, bah, tu l'écoutes et puis t'as la chanson d'après, t'as le chapitre d'après sur un disque, sur un livre. Puis voilà, ça. Et tu l'écoutes, ouais, entièrement. Parce que le combat qu'avait mené Neil Young, par exemple, contre Spotify, qui changeait l'ordre des morceaux dans leur truc, c'est important, l'ordre des morceaux, parce que. Quand un groupe il construit un album, il y a un ordre sur les morceaux. Et j'irais même plus loin, même quand on écoute un CD, par exemple, d'une platine à l'autre, le silence qui est entre les deux n'est pas toujours pareil. Je sais pas si vous avez remarqué. Par contre, quand on écoute un vinyle, c'est toujours le même temps. On sait exactement au dixième de seconde près quand le morceau va démarrer, parce que c'est exactement pareil, quoi. Ça change pas. Et c'est vrai que, par exemple. Quand le CD est arrivé, on a eu la possibilité de programmer les pistes dans un ordre différent. Oh, super et tout ça, mais finalement, un album, il est construit d'une certaine manière. Ouais. Le mieux, c'est d'écouter dans le bon ordre, quoi. Et avec les bons silences, quoi. Le silence fait partie de la musique, faut pas l'oublier. Très bien, voilà, on a discuté beaucoup. Et on va écouter encore un morceau. Hein. Donc, j'ai calé justement un morceau que j'ai beaucoup diffusé dans l'émission Mavrica qui s'appelle Rock and Roll Party. On l'écoute et puis on en parle après. Ok. On l'écoute. C'est parti. Thank you.

fire for your love. Voilà, on n'a pas écouté un morceau, on a écouté deux morceaux à la suite, hein, parce que effectivement, on arrive bientôt à la fin de l'émission, il y a encore plein de morceaux à diffuser. De toute façon, c'est pas grave, hein, si on n'a pas le temps de tout passer, ben on en passera dans les prochaines émissions. Oui. Hein. Donc la semaine prochaine, ben justement, j'ai pas d'invité, ça a été fait exprès. Pourquoi ? Parce que le lendemain, on a une belle journée qui va se préparer. Donc la semaine prochaine, ça sera le 9 juin et le 10 juin, c'est l'occasion de se retrouver tous ensemble avec le groupe Custom, justement, pour le Maverick Live numéro 12 avec plusieurs groupes. Il y aura Custom, il y aura Melody Road, Yeti et Alex Le Bail. Donc beaucoup d'artistes, et puis j'espère que vous serez nombreux. Je voulais aussi remercier tous les gens qui ont mis un petit j'aime dans sur le Facebook de l'émission Maverica. C'est très sympa parce que moi je trouve aussi, ça fait plaisir. Et puis bon, je suis en train de remettre les trucs en même temps. J'essaie de tout faire en même temps, donc voilà. Il y a eu quelques commentaires, donc justement, il y a notre ami Stéphane qu'on a passé en début d'émission, qui est en concert et qui nous a remercié d'avoir diffusé un de ses morceaux. Et puis après, je vais regarder vite fait. Alors moi, ce que j'aime bien dans l'émission Maverica, c'est que quand il y a des petits j'aime comme ça, il y a par exemple, il y a Hervé, le batteur des Yeti, tiens. Il y a Céline des Brunettes, et il y a plein de gens, Sébastien, le chanteur des Yeti, les Shaking Mets, c'est des gens super bien, vous allez voir. On n'en doute pas, et voilà. On les embrasse. Ils aiment la bière, c'est sûr. Moi, je les suis depuis pas mal de temps, et franchement, c'est des gens super bien. Alors, il y a les Shaking Mets, il y a les Uncle Bikers, il y a les Dérapades, David McLean, il y a aussi comment on s'appelle, on va le chercher le nom, Ice Cream, plein d'artistes qui nous ont laissé leur message. Voilà, je suis en train de regarder la grande majorité, c'est des artistes de la région orléanaise, hein, mais pas que, hein, vous savez que vous pouvez venir d'où vous vouliez, de toute la France même d'ailleurs, hein. Il y a même des groupes qui sont venus de l'étranger, voilà. Donc, si des groupes américains, Los Angeles, tout ça veulent venir dans les studios, il n'y a pas de souci. Hein, non, nous on va y aller. C'est vous qui allez y aller. Voilà. Au retour, vous pouvez partir avec eux, voilà. À la limite, et faire une tournée avec eux. Ça les ramènera. Donc un groupe qui nous répond là, les Foo Fighters. Ah oui. Je sais pas. Ça marchera jamais. Si, bien sûr, s'ils ont envie de venir, on les accueillera avec beaucoup de plaisir, et je pense qu'il y aura du monde dans le studio, hein. Oh, certainement, oui. Voilà, très bien. Donc merci à tout le monde, et puis on voulait aussi remercier une personne qui fait les podcasts de l'émission. Donc il y a un petit peu de retard sur celui de la semaine dernière, sur celui de la semaine d'avant, il y a eu quelques petits, un petit couac, mais ça va se faire. Donc c'est notre ami Florent qui enregistre les émissions et qui les met après sur un site, et je partagerai bien entendu le lien sur le Facebook de l'émission Maverica. Comme ça, vous pourrez réécouter l'émission si elle vous a plu. Si vous avez manqué une partie, vous pouvez l'écouter en intégralité. Vous pouvez la télécharger, la conserver, garder les morceaux qui sont interprétés en live. Alors ce soir, il n'y a pas de live, parce que c'est des morceaux enregistrés. Et pour voir le groupe Custom en live, il faut être là la semaine prochaine, donc à l'espace Bérère, à la chapelle Saint-Mémin. Voilà, je pense qu'on a tout dit. Donc on remercie notre ami Florent pour justement les podcasts. Merci, voilà. Florent, franchement. Super, franchement, c'est cool. Voilà, c'est super. Il fait partie un peu de la famille Maverica depuis un petit moment déjà. Et pas seulement parce qu'il fait les émissions Maverica, mais il fait aussi toutes les émissions de Radio Arc-en-Ciel. Voilà. Vous êtes à la radio. Est-ce que vous avez un petit message à faire passer en particulier? Oui, moi, à mon épouse, que j'embrasse. Mm-hmm. À mes filles, même si je l'ai dit tout à l'heure, et à Solène et Laurine, à mon petit-fils Raphaël, mon petit boubou d'amour, et puis au collègue de boulot du CTM, voilà. D'accord. À Mathias, Dylan, etc., etc., etc. Voilà. Alors moi, on est parti aussi. Alors, Catherine, ma petite femme, Mathias, Baptiste, mes enfants. Mon pote Manu, mon pote Christian, et encore une fois, les poteaux de Top Secret, les gars. On n'oublie rien, on n'oublie rien. Top secret. Je pense qu'on va en entendre parler, hein, parce que là, ça fait plusieurs fois qu'on en parle. C'est un autre projet que tu as avec un autre groupe, non? Non, c'était mon premier groupe. D'accord. Et les potos, ils écoutent. D'accord, bah, très bien. Voilà. C'est bien. Donc aujourd'hui, tu fais partie du custom, mais effectivement, tu avais fait d'autres groupes avant. C'est ça? Oui, parce qu'on est, comme on dit, on n'est pas des blaireaux de l'année non plus. On est plutôt jeune, quoi. On a tourné un peu dans quelques groupes. Mm-hmm. Ah ouais, tout vrai. À fait. Ben bisous à Nathalie et à Julie, à Renan, bah, tout, si vous m'entendez, si vous m'écoutez, voilà. Je vous embrasse très fort, bisous bisous, et puis bisous à tous. Voilà. Et toutes. Et ben pour moi, bisous à Nanou, ma petite femme, ma fille, Abby. À deux nous écouter normalement. Au fond de son lit, mais à deux nous écouter. Et une petite publicité. Pour mon atelier, les clés de Steph. Oui, très bien, très bien. On n'a pas parlé. Il faut en parler. Ouais, il faut absolument parler. Parce que réparateur, non seulement, luthier en instrument, tout ce qui est avant, ça. Tout ce qui est fait, les trompettes, les saxophones. Il n'est pas que guitariste. Artisan d'art, monsieur. Du saxophone. Artisan d'art. Donc, les clés de Steph sur Morini Champigny. www.lesclésdesteph.fr. Et puis, voilà. Ibrahim, si tu m'écoutes, il est dispo. Voilà, aussi. Ok, donc voilà, les artisans qui travaillent dans la musique, hein, finalement, ouais, dans les instruments de musique, c'est important. Il travaille à son compte, Steph. Oui, et, il a sa petite entreprise, il travaille chez lui. Et ne connaît pas la crise. Ouais, c'est peut-être une bonne idée pour une chanson, je dirais. Ouais, ça peut faire. Ouais, ça peut-être la première chanson en français. En tête, ouais. Première chanson en français du groupe Custom. La face B du CD. Ok. Encore des petits messages? Ouais, allez, un petit dernier pour mon pote Jack qui comprendra. Jack. Bon, Jack, voilà. Si tu m'écoutes. Non. Moi j'aime nos petits messages à Juliette. Juliette qui a passé un examen aujourd'hui, voilà, qui a travaillé, qui a planché toute la journée. Ben Juliette, on t'embrasse. Bisous. Salut Juliette. non mais les gars, ça va quoi. Attends. Ah bah ouais, mais... Alors Juliette. Juliette. Alors mamie, je te comprends, Steph. Juliette, la petite copine de mon fils. Ouais. D'accord. Ouais. Magnifique. Oh, okay. Voilà. Magnifique. Forcément, les annonces, ça fait moins rock'n'roll. Non mais comme ça, au moins, on sait tout sur le groupe Custom. Hein. C'est pas seulement on parle de musique, mais on connaît aussi les personnes et puis on connaît leurs amis. Maintenant. Je t'en appelle Zach Wright. Si un jour t'as besoin d'un autre gratteux, je suis là. Zach. C'est pas moi. Mon Zakounet, si t'es là. Non mais franchement, enfin bon, c'est d'un pathos votre truc. Enfin bon. Et si on parlait d'harmonica, non? Mais pourquoi faire? Bah, on est là pour parler musique. Ouais, je parle pas d'instrument avant, j'en parle après. Non, parce que le rock'n'roll, c'est aussi l'humour, avant tout. Oui, bah oui, ça on aime bien. Ah bah ça, voilà, hein, je pense que là-dessus, c'est important. Mais voilà, non, pas de dédicace spéciale de ma part. Sinon, je vais en oublier, je vais faire des déçus, donc je préfère ne pas faire de déçus. Voilà, donc... Oh, peut-être bon. Un petit message à ma fille, si, tiens, à ma Lulu, après tout. Voilà. Ma Lulu, si t'écoutes sur les web ondes de là où t'es, eh ben. Ah oui, c'est vrai, c'est. Oui, tu crois que. Oh non, je pense pas. Ça m'étonnerait. Je pense pas. Il y aura le podcast, de toute façon, il suffira de lui envoyer le lien. Mais je lui enverrai, t'inquiète, c'est fait, c'est parti déjà quasiment. Voilà. Très bien. C'est bon pour les dédicaces? Ouais, je pense que ça va aller. Est-ce que vous avez une petite dédicace quand même à Albino et Maverick? Merci à toi, Minou. Merci à vous, parce que effectivement, ça fait un petit moment qu'on se connaît comme ça, mais bon, on s'était jamais rencontrés. Ben, non. Mais par contre, voilà, on s'entend bien, on a le même état d'esprit, on aime le rock and roll, ça c'est absolument important, ouais. Et puis on a envie de passer des bons moments. Donc, moi, j'ai un message que j'aime bien passer assez régulièrement dans l'émission, c'est sortez, allez au concert, allez voir les artistes en vrai. Ah et ouais, puis à la fin vrai. Des concerts aussi, vous aimez quand les gens viennent vous voir et voilà, le concert est terminé, vous descendez de la scène, puis des gens viennent vous voir pour dire ouais, c'était bien ou bon, souvent c'est positif hein, c'est assez rare que les mecs viennent dire du mal, ça peut arriver aussi ça, hein. ça peut arriver mais bon, à la limite si c'est constructif en disant oui, voilà, il s'est passé ça, ouais, ça aurait été mieux si OK, d'accord. Oh, depuis on a plus une nouvelle. Ouais, bah vous pouvez venir hein, à la fin du concert si ça vous a pas plu, venez les voir, mais ça sera la dernière fois. Hein. À toi de voir. À vous de voir, hein, après. Non, mais par contre, oui, c'est vrai que c'est bien quand les gens y viennent. Vous prenez le temps de discuter un petit peu avec les gens. Oui, après, bien sûr. Oui, bien sûr. Ouais. Surtout s'ils ont aimé, ils payent un coup, quoi, tu vois. Ouais, voilà, aussi, ouais. Aussi qu'ils participent un petit peu au truc, donc voilà, quoi. À part quand c'est dans un stade, vous êtes obligé de partir en hélicoptère. Des fois, vous n'avez pas le temps de voir tous les fans. Mais bon. Non, on prend quand même ce temps-là, tu vois. Prenez quand même le temps. Pense que, voilà, il faut rester au contact. Le pilote, ouais, il attend. Le pilote, il attend, l'hélice tourne au cas où. Et... Alors non, on ne fait pas tourner en attendant parce que ça consomme. Non, ça consomme. Voilà, mais en attendant, ce qui est certain, c'est que... Non, on reste en contact toujours. Ça, c'est important, toujours. Ça. Ben, c'est ça, enfin, le rock'n'roll, c'est qu'on le disait tout à l'heure. C'est la musique, de toute façon, c'est un partage, c'est un échange. Et oui, ça se discute, ça, voilà, ça s'engueule, ça se vit, mais en tous les cas... Ça doit être quelque chose de commun et c'est ça qui fait que ça perdure d'ailleurs, je pense, parce que ça se passe et voilà, ça se passe. Et moi, je sais que j'ai écouté des disques et c'est ce qui m'a donné l'envie. J'ai écouté des groupes amateurs aussi, j'en ai vu pas mal quand même. On en a tous vu beaucoup. Hein. Vous allez beaucoup au concert, non, voir d'autres groupes. Ah ouais, bien sûr. Ouais. Est-ce que vous avez aussi des amis, des groupes que vous pouvez citer ce soir? Des gens que vous suivez, qui un jour peut-être auront envie de venir dans l'émission. Hein. On peut les accueillir aussi. On connaît. Il y a pas mal de groupes qui viennent de la région parisienne. Hein. C'est vrai. Groupe amateur, tu veux dire. Ouais, amateur. Ouais, on peut commencer par Lone Wolf Corp. On n'est pas du tout fermé. On a aussi bien des professionnels que des amateurs. Ceux qui veulent venir, ils viennent ici. À partir du moment où ils ont une bonne idée, ils ont un projet, ils ont envie de défendre quelque chose. Nous, on est là pour. Choses. Voilà. Bien sûr. Ouais, the true thing, ouais. On va faire venir les Trill Things. D'accord. Non, mais on a des potes qui jouent, qui viennent d'ailleurs. Les Crows, là, ils viennent sur Orléans, je crois, ou pas loin, là, dans le coin. On a plein de potes qui tournent avec. Avec lesquels on a joué auparavant aussi, parce que c'est ça aussi. Non, mais de toute façon, Paris, c'est la banlieue d'Orléans, tout le monde le sait. Maintenant, ça l'est devenu, en tous les cas. Ça a été la province longtemps, mais maintenant, je suis obligé de le dire à Orléans. Voilà, bientôt vous allez intégrer le 75, hein, les gars. Mais c'est sûr que effectivement, maintenant, c'est à côté. Hein, c'est vrai qu'en une heure et quelques, on peut être à Paris. Donc voilà, c'est quand même. Au début, quand j'ai commencé à faire l'émission, je pensais qu'on allait recevoir principalement des artistes de la région orléanaise. Hein, je me suis dit bon, on va y en avoir quelques dizaines, et puis en quelques temps, j'aurais fait le tour des artistes, et puis ça sera peut-être des amateurs, ça sera peut-être pas, et puis j'étais surpris, donc si je continue cette émission, c'est parce que non seulement il y a des bons, même si c'est des amateurs avec un grand A, et qui font ça avec leur cœur, et des fois c'est mieux que certains professionnels qu'on diffuse dans d'autres radios, hein, donc c'est mon avis à moi, hein, mais il y en a qui valent vraiment le coup, et puis je me suis dit, et sur Orléans, il n'y en avait pas un, deux, trois, mais ni dix. J'ai toujours pas fini de faire le tour de tous les groupes d'Orléans. Et après, j'étais surpris qu'il y en ait aussi qui viennent souvent de Blois, de Tours, de la région parisienne. La plupart du temps, voilà, ils sont prêts à se déplacer pour venir dans l'émission Mavrika. Et nous, on est là pour les accueillir parce qu'on est là pour défendre justement les artistes qu'on n'écoute pas forcément dans toutes les radios. Hein. Il y a des radios qui rabâchent toujours la même chose. Et ben, nous, on a envie de défendre d'autres artistes. Très bien. C'est voilà. Donc, très, très bonne idée. Et puis, à mon avis, je pense pas qu'il y ait des radios qui soient équivalentes à la tienne, en fait. Enfin, c'est-à-dire dans le sens où il y a très peu de radios qui viennent accueillir des groupes amateurs. Surtout, ouais, des groupes amateurs. Il n'y en a vraiment pas beaucoup. Et toi, t'en fais partie. Il y en a quelques-uns quand même. Donc, ouais, c'est vrai que c'est pas évident. Et en plus, nous, dans l'émission Mavrika, on a quand même 3 heures pour discuter tous ensemble, pour découvrir votre travail et voilà, de faire connaissance vraiment. Ouais. Et c'est vrai que c'est pas enregistré non plus. Donc des fois, il y a des lives qui sont ici dans les studios. S'ils se plantent, ils se plantent. Hein. On n'a pas d'effet, on n'a pas de vocodeur. Les gens chantent en direct. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on fait plus aujourd'hui. Hein. C'était dans les radios dans les années 50, on faisait ça devant un micro. Mais aujourd'hui, finalement tout est enregistré, tout est coupé, tout est monté. Mais nous, dans Radio Arc-en-Ciel, dans l'émission Mavrika, on prend ce risque de jouer sans filet et de parler. Voilà, des fois il y a des petits couacs, des fois des prises de gueule, des choses comme ça, ou alors des questions que je vous pose que vous savez pas répondre. Mais voilà, c'est le réel, c'est le côté humain. Il y a des albums qui ont été enregistrés avec des pains. Ah ouais, tout à fait, oui. J'en connais certains, ouais. J'en connais certains. Il y en a certains qui ont été enregistrés justement. mais au moins c'est vivant. Il y a un morceau comme ça qui avait été enregistré avec un pain et un jour j'ai écouté la version album que je n'avais jamais écouté et j'ai dit bah ouais j'étais tellement habitué avec cette fausse note. Alors la fausse note que le gars ramène, l'air de dire voilà c'est bon, j'ai ramé. Et après on est tellement habitué à l'écouter avec cette fausse note là que ça nous paraît normal. Et le jour où on écoute la version bien, bah il n'y a pas la fausse note, donc on se dit tiens, c'est... Et puis c'est nul, bizarre. Ouais. C'est bizarre, ouais. Non, c'est ça, c'est le côté authentique, le côté... voilà, c'est un instantané. Mmh. C'est un morceau qui est enregistré comme ça, et puis il restera comme ça, voilà, c'est très bien. Tout voilà. On écoute encore un petit peu de musique, et puis là, on arrive bientôt à la fin, et les 3 heures sont passées à une vitesse. J'espère qu'on n'a rien oublié. On n'a rien oublié. Est-ce qu'un sujet toujours quelque chose. Mais on reviendra. J'espère bien. C'est le but, d'ailleurs, d'oublier. Tu vois, comme ça, tu reviens. Pour moi, c'est toujours un plaisir, justement, quand les groupes viennent. Il y a certains groupes, on parlait tout à l'heure des Yeti, je regarde, il y en a beaucoup qui sont déjà venus une première fois et qui reviennent... dès qu'il y a de l'actualité, un nouvel album, des concerts annoncés, des choses comme ça, et on aime bien ça. Et nous, à la fin de chaque émission, on fait des photos, vous allez participer, hein. Donc on va faire des photos qui vont être postées dans le Facebook de l'émission Mavrika. Donc à chaque émission, il y a un album avec nos invités, et des fois ça nous fait drôle, parce que bon, ça commence à faire 13 ans qu'on fait cette émission, et il y en a qui sont venus, ils étaient il y a 13 ans, d'autres qui après ils sont revenus il y a 7 ans, après ils sont revenus il y a 4 ans, et puis et ainsi de suite, et donc on voit les gens, mais c'est toujours un plaisir de... Et c'est vrai que... On reviendra. Vous reviendrez, hein, j'espère bien. On a l'adresse. Très bien, on écoute encore d'autres morceaux à vous. Alors j'en ai programmé plusieurs. Ouais, parce que j'en ai encore programmé 4, hein, donc on va faire vite. On dépassera un petit peu, c'est pas. Non, 3 autres. Never Born Again. Alors ça, c'est un morceau. T'es sûr? Ouais, vous voulez pas le passer celui-là? J'ai jamais. Enfin, je pense qu'il n'est pas abouti ce morceau. D'accord, c'est vous qui voyez, hein. Moi je préfère, je vous le dis, hein. Enfin, c'est comme vous voulez. Non, mais c'est pas, après tout, c'est pas moi qui choisis. C'est quoi les deux autres? C'est complètement bon. L'autre, c'est Washed Pig. Washed Pig. Vous dites beaucoup mieux que moi. Ah ouais, français pour dire. Ouais, il est bon. Non. Moi, l'anglais, je le parle très bien, mais les anglais me comprennent pas. Ça, c'est ça. J'ai jamais compris. Moi, pourtant, je le parle bien. Vas-y, on voit. On envoie celui-là. Ok. Et après, il y en a un autre que je connais pas non plus. Donc, c'est des découvertes ce soir. C'est Gods of Liar. Je l'ai bien dit. Oui, parfait. Bravo. Impeccable. Respect. Non. Ben ouais, bien sûr, tu peux les envoyer. On envoie. On envoie un, après on dit au revoir, et puis après on envoie le dernier. Soyons fous, on va faire comme ça. Donc, on a passé que du custom, hein, depuis un petit moment. C'est vrai qu'on avait prévu pas mal de choses. On est là pour ça quand même aussi. Bah ouais, voilà, priorité aux artistes qui sont présents dans l'émission. On écoute tout de suite Washed Pig. Washed Pig. C'est mieux? Oui, parfait. Skin. I don't know. wall in the garden. Oh, they tried to show me what a way to put it about. And they had to decide on one thing. But I know you got the joy. Wash Pig. Alors, ça veut dire quoi? Ça parle de quoi le sujet là-dedans? Parce que ça veut dire un cochon qui est lavé, c'est ça, hein? C'est ça. Pourquoi chercher l'explication à tout, tout de suite? Il y a des fois la magie du monde, c'est aussi ça. Non, parce qu'après, je traduis le titre, mais bon, effectivement, titre, après, j'ai pas suivi toute l'histoire, parce que mon anglais est un petit peu limité, mais bon. Ouais, non, mais cochon. Cochon lavé. Cochon lavé. La rince cochon. Non, c'est l'idée de dire que voilà quoi, depuis tout petit on nous lave un peu le cerveau quoi quelque part et que on est enfermé dans des endroits où finalement on peut pas se découvrir soi-même et on peut pas être soi-même et ni même connaître ce que c'est vraiment que la liberté. Donc voilà, c'était un peu ça l'idée quoi, encore une D'accord. fois. Alors c'est pas forcément voilà, c'est assez simple et puis c'est toujours pareil quoi. Le message est simple finalement. Il y a rien de cochon. On peut en écrire des livres, hein, mais il y a rien de cochon. Non, il y a rien de cochon là-dedans finalement, à part que voilà, arrive un moment, t'aimerais bien connaître toute la vie et la vie c'est aussi le sexe. Donc parce que voilà, c'est aussi ça la vie, mes camarades. Hein, faut pas oublier quoi. Hein. Voilà, hein. Si on fait pas l'amour, eh ben des dents, voilà. Donc c'est important. Non mais attendez les gars, ça tu vois, non, c'est mais, sujet, tu ça vois, c'est ouais. un sujet. Bon, il va falloir venir dans la prochaine émission. On va en parler pendant 3 heures. Je suis d'accord. C'est à partir d'une heure du matin. Ouais, limite, on va demander à Brigitte Radio Arc-en-Ciel de faire l'émission de nuit, hein, parce que ça sera réservé quand même à un certain. Aux amis, voilà, voilà. Pourquoi pas une émission de nuit à partir de minuit jusqu'à 3 heures du matin, dans laquelle on aborderait des sujets un petit peu plus pointus. Non, enfin voilà quoi, l'idée c'était ça, et le titre est pas forcément, mais parce que ce titre nous plaisait aussi, après tout. Ouais, voilà. c'est marrant, c'est drôle, ouais. Après, il faut. Aujourd'hui, on est dans un monde où il faut donner une explication ou intellectualiser absolument tout, mais retrouvons un peu la magie des choses qu'on ne comprend pas et qui sont si belles malgré tout. Très bien, une bonne phrase. Quel poète. On arrive rapidement à la fin de cette émission, donc effectivement. Donc ce soir, c'était l'édition numéro 555. Et nous avons reçu le groupe Custom, on va le dire en français cette fois-ci. Une fois en anglais, une fois en français. Oui. Voilà, on peut changer aussi. Et on a passé un très bon moment. Donc on va faire les photos. Et puis donc le groupe Custom qu'il faudra retrouver la semaine prochaine sur une scène, une grande scène, hein, la grande scène de l'espace Bérère à la Chapelle Saint-Mémin, en compagnie d'autres groupes avec lesquels ils vont sympathiser. Je suis sûr qu'on va passer un super bon moment. Le but du Maverick Alive, c'est de passer des bons moments ensemble. Il faut savoir que personne ne gagne aucun argent. On est tous là ensemble pour partager des bons moments. Il y a des bénévoles, beaucoup de gens qui vont travailler, et tout ça pour le partage, pour dire voilà, on fait quelque chose avec peu de moyens, et puis on arrive à faire des bons spectacles, et on est fiers de ça. Donc rendez-vous la semaine prochaine, le samedi à partir de 18h30, ouverture des portes. Il y aura des exposants avec des photographes, des écrivains, des tatoueurs, des peintres, et il y aura plein de choses différentes. Donc il y aura aussi des vêtements, donc pour les gens qui aiment les vêtements. Il y aura donc le sponsor de notre ami Alex Le Bail qui sera là aussi, avec des casquettes, des t-shirts et tout ça. Des femmes nues? Non, ça en principe non, parce que c'est quand même pour voilà, c'est organisé aussi avec c'est Patrice qui demandait avec le service culturel de la Chapelle Saint-Mémin, donc effectivement c'est pas vraiment pour ce truc là peut-être dans d'autres occasions, mais là dans l'espace Bérère on va rester quand même très soft, et c'est ouvert justement à tout le public, hein, donc les enfants à partir de 3 ans peut-être. Non, mais on m'avait dit de pas parler. C'est pour ça. Et jusqu'à. Il n'y a pas d'âge. Voilà, c'est tout. Très bien. Donc, on va redire les phrases magiques. Que le rock and roll soit avec vous. Une vie sans musique serait une erreur. Et everything is gonna be alright. Voilà. Merci beaucoup, en tout cas, d'être venu. Et une dernière semaine, si je peux me permettre, pour en rajouter une. Everybody must be free in the world. Ouais. Comme disait Arafat. Everybody needs somebody. Voilà, aussi. Voilà. C'est pour ça, il y avait l'accent en plus, l'accent anglais de la péninsule arabique. Non, c'est. Mais voilà, je pense qu'aujourd'hui, voilà, dans ce bas monde, c'est bien compliqué. Et voilà, et tout le monde doit être libre. Vive la liberté. Vive ma liberté. Voilà, du message. Ça, très bien. Donc, on va écouter le dernier morceau. On va se quitter en écoutant le dernier morceau qui s'appelle Gods of Liar. Et puis, merci d'être venu. Merci. On va souhaiter à nos auditeurs. Merci à toi. Vraiment, merci à vous. Ce fut un bon plaisir. On a passé un bon moment. Fait un petit coucou à la fin de cette émission. Et coucou à toi alors. Ah, ça fait plaisir, parce que là je suis c'est quelqu'un qui nous fait un petit coucou. Merci. Voilà. Je vous remercie beaucoup, en tout cas, chers auditeurs, d'avoir écouté l'émission Maverika. Donc on vous souhaite une bonne soirée, hein, parce que la soirée n'est pas terminée. Aujourd'hui, les jours sont grands. Une bonne nuit, un bon week-end, une bonne semaine. Et rendez-vous la semaine prochaine, même endroit, même samedi 10. Je vais essayer de me libérer. Comment ça, tu vas essayer de libérer? Bien sûr que je serai là. Évidemment. Un truc comme ça fait un petit moment qu'on n'en a pas fait, donc on relance un petit peu l'association, et puis on relance aussi les concerts, donc j'y serai avec plaisir, mais on se retrouvera aussi le vendredi soir ici à l'antenne, donc j'aurai pas d'invité, on va diffuser le maximum de musique, et à mon avis il y aura du custom. On va l'envoyer peut-être un, deux ou trois morceaux, hein. Il n'y a pas de souci. En tout cas, merci beaucoup, en tout cas. Merci à toi. On se retrouve très très bientôt. Et puis avec plaisir. Bonne nuit, bon week-end et tout ça. Et soyez en forme pour la semaine prochaine. Merci beaucoup. Salut à tous. Allez, salut. Ciao. 96.2. La FM en couleur. Agora, também entendam que estão a embargar a vida dos nossos filhos. Estão a embargar. É que isto é que é também muito importante. O que está a acontecer é que os nossos alunos estão a ser vítimas, não é? Alvo de um desentendimento que urge resolver. Hoje o STOP anunciou greve a todas as avaliações em todos os anos de escolaridade. André Pestana, do Sindicato de Todos os Profissionais da Educação, anunciou ainda uma paralisação para todos os dias da próxima semana nas escolas portuguesas e deixa ameaças em relação ao próximo ano letivo, caso o Ministério da Educação não responda às queixas do sindicato. Vai haver greve a todos os procedimentos que envolvam as avaliações finais de todos os ciclos e todos os anos de escolaridade. E também greve na próxima semana, de dia 5 de junho a 9 de junho, ou seja, a semana inteira, greve de pessoal docente e não docente a todo serviço, que não existem serviços mínimos e que, mais uma vez, nós apelamos que se façam fundos de greve, como se provou que era totalmente legal, para que assim, de uma forma organizada em cada escola, se possa ter o maior impacto. Como também na Assembleia Geral de Sócios, já estamos a preparar um início de ano letivo, se o Ministro não ceder nas questões principais, um início de ano claramente diferente do que tem sido habitualmente. Sobre estes pré-avisos de greve, o Ministro da Educação, em entrevista à RTP, considerou que provocam grande clivagem entre os alunos do ensino público e do ensino privado e sublinha, João Costa, são os alunos os penalizados com as greves. Quem é penalizado nestas greves verdadeiramente